Télisol. Le ciel sera-t-il étrange ou pas, Dominique? Il y aura peut-être des fées, des lutins ou des gnomes cette nuit. Carrément. Il fera 10 à 14 degrés en tous les cas. Ça, c'est sûr. Demain, un peu plus de nuages dans le ciel qu'aujourd'hui et des timides éclaircies quand même encore possibles sur le sud. Malgré cette journée grise, les maxima se situeront entre 20 et 24 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. On ne peut plus reculer, c'est l'heure de la rentrée. Combien coûte le cartable de votre enfant? 50 euros par enfant en maternelle, 275 en primaire. Pas facile de faire les bons choix en la matière. La rentrée, il faut aussi s'y préparer sans mettre la pression. Apprendre à lâcher la main de votre petit bout demain. On appellera Madame Caroline pour voir comment faire cela demain matin pour tenter d'éviter les pleurs. En Allemagne, un projet de loi se discute en ce moment. Il impose aux femmes qui auraient eu un enfant hors mariage de donner le nom du géniteur. Le loup, bientôt de retour en Ardennes. Il faut s'y préparer. Le loup est déjà en France et en Allemagne. L'organisation de défense de la nature, WWF, n'est pas inquiète. On peut très bien avoir une coexistence pacifique entre hommes et loup. Et oui, le loup peut aussi être notre ami. Le journal sur Vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Personne n'y échappera, demain c'est la rentrée. Les dernières courses sont faites, on espère que vous avez pensé au pain, pour les tartines, pour le dîner. La rentrée, combien ça coûte? Combien dépensez-vous pour le cartable de votre enfant? Sarah Hendricks a mené l'enquête. Rien que pour aller, tout ce qu'il faut, les fardes, les ciseaux, enfin tout le nécessaire, il faut compter, allez, minimum une centaine d'euros, sans le cartable. En moyenne, selon une étude de la Ligue des Familles, une année de fourniture scolaire coûte 50 euros par enfant en maternelle et 275 euros en primaire. De plus, certaines écoles ne laissent pas toujours beaucoup de choix. Et en plus, on doit suivre une liste établie par l'enseignante de l'école. Donc, quelquefois, on veut prendre du matériel durable comme une latte en métal, mais on ne peut pas parce que l'enseignante a demandé une latte en plastique, quoi. Voilà. Dans ces cas-là, il est parfois difficile de faire des achats durables. Mais pour ce spécialiste, quelques gestes simples permettent de respecter l'environnement et la santé des enfants. On va mettre des fardes qui sont protégées au coin, avec des renforts métalliques par exemple. On va choisir des crayons qui ne sont pas vernis. On va choisir des crayons fluo plutôt que des surligneurs à encre avec des conservateurs et avec tout un corps en plastique par exemple. Mais certains se laissent plutôt influencer par leurs enfants. Donc il regarde et puis voilà, s'il aime bien en général, je craque avec lui. Et entre les avis des parents, nous écoutions les bons conseils de Renaud De Bruyne du réseau OCO Eco Conso, une organisation qui encourage les choix respectueux pour l'environnement et pour la santé. L'association, par exemple, milite en ce moment contre l'utilisation du plastique dans les fournitures scolaires. Et donc demain, il y aura un petit peu plus de 400 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie. 400 000 enfants qui vont rentrer en maternelle, en primaire, parfois même en première, secondaire. Le cartable, on l'a dit, il est fin prêt. La rentrée, on le sait, hein, c'est pour ceux qui rentrent en maternelle que c'est un peu plus particulier. Alors avec nous, Madame Caroline, qui enseigne en 3e maternelle à Dour, en Hainaut. Madame Caroline, ça fait 32 ans que vous faites ce métier. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment on lâche les petits bouts demain? Est-ce qu'on traîne un peu dans la classe? Est-ce qu'on les lâche dès la cour de récréation? Comment il faut faire pour que ça se passe bien? Alors on ne les lâche pas comme ça n'importe comment, mais ce n'est pas non plus nécessaire de s'attarder en classe trop longtemps, même si l'enfant y pleut. Mais il ne faut pas non plus partir sans lui dire au revoir. Il pourrait alors penser qu'on l'abandonne et ça, ce n'est pas non plus très sympa pour lui. Donc il vaut mieux lui expliquer qu'on vient le rechercher, soit après sa demi-journée, soit après sa journée, s'il dîne à l'école et qu'il passe sa journée à l'école. Alors est-ce qu'on en parle déjà ce soir aux enfants? Est-ce qu'on raconte ou on ne dit rien, on fait comme si de rien n'était? Ah non, il faut quand même en parler un petit peu, mais c'est pas la peine de non plus mettre trop la pression sur les enfants. Mais par exemple, on ne leur dit pas, tu vas voir, demain tu vas aller à l'école, tu devrais être sage. Non, ça non. L'école, c'est quand même un lieu où l'enfant doit se sentir bien, on s'y amuse, on va avoir plein de nouveaux copains, on apprend beaucoup de choses. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut y aller pour que l'enfant parte confiant à l'école. Il faut positiver, c'est plutôt une bonne nouvelle, la rentrée, c'est de nouveaux amis. Voilà. Alors pour les enseignants, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué aussi, hein, la rentrée, on ne sait pas ce qu'on va mettre, on ne sait pas comment on va s'habiller, etc. C'est quoi la technique pour s'endormir convenablement quand on est institutrice maternelle, même après 32 ans de carrière ? Non, c'est la nuit la plus blanche qu'on passe de l'année. On ne dort pas bien la veille de la rentrée. Là, c'est impossible. Même après 32 ans, on ne dort pas bien. Donc, vous n'avez pas de conseils à donner aux jeunes enseignants qui démarrent comment faire pour essayer que ce soit plutôt cool ? Non. Là, vraiment, il faut se dire que cette nuit-là, c'est la nuit blanche. Ou alors, prendre un petit peu de rescue peut-être pour que ça passe plus facilement. Mais... voilà. Des plantes et espérer que le lendemain ça se passe mieux, que la nuit de jeudi à vendredi sera correcte. Voilà, mais en général ça va mieux. Madame Caroline, donc qui ne dormira pas très bien cette nuit, ses élèves la retrouveront demain à l'Institut Saint-Joseph et Victor à Dour, près de Mons. Et puis demain, ce sera aussi forcément un petit peu plus compliqué sur la route. Il faut voir large, partir plus tôt, prévoir du temps, en particulier à Namur. Gros chantier plus nouveau plan de circulation font craindre le pire aux automobilistes namurois. Demain, les policiers seront d'ailleurs sur le terrain pour les conseiller. Mais le commissaire Manu Leleu de la police de Namur donne déjà des conseils cet après-midi. C'est de toute façon le conseil qu'on donne chaque année. Mais ici particulièrement, je pense qu'il y a deux grands conseils qu'on peut donner. Celui-là, partir plus tôt. Voilà, ça permettra aux gens d'avoir un petit peu de temps pour discuter avec les enfants dans la voiture et les laisser repartir tout doucement vers l'école, certainement. Oui. Mais aussi bien se renseigner sur l'itinéraire à suivre pour rejoindre le point de destination à Namur. Et là, j'invite franchement les gens à consulter entre autres le site www.pavillon-namur.be sur lequel ils vont trouver toute une série de cartes qui vont pouvoir leur indiquer l'itinéraire à suivre. Même les gens qui croient bien connaître Namur et qui vont se rendre ici pour la première fois dans le courant du mois de septembre ou pour la première fois depuis 10 jours à Namur vont être un petit peu surpris par les nouvelles règles de circulation. Et un auditeur averti en vaut deux. On vient de doubler l'audience. Manu Leleu, commissaire de police à Namur, avec Laurence Laine. Reprise aussi des cours de religion, avec parfois beaucoup de difficultés pour les professeurs de religion islamique. Ils doivent parfois répondre à des questions très surprenantes de leurs élèves, doivent jongler entre la foi et la science. Un jeune enseignant raconte dans un livre son expérience en école secondaire, une école à discrimination positive. Son témoignage remet en lumière une fois de plus le contenu des cours de religion islamique. Françoise Berlaimont. Hicham Abdelgawad a 30 ans, est titulaire d'un master en sciences des religions et est un musulman croyant. C'est aussi un scientifique convaincu. Entre dogme et science, il n'hésite pas. J'estime que dans une école publique, de la part d'un professeur qui, comme moi, a fait ses études à l'université, mettre en avant l'approche scientifique, c'est la moindre des choses. Elle peut aller à contre-courant du dogme, mais comme je l'ai dit à un de mes professeurs, avoir mal au dogme, ce n'est pas avoir mal à la foi. Auquel cas, je ne serai plus musulman. Ses élèves ont entre 12 et 18 ans et sont imprégnés d'un islam d'un autre âge. Son rôle de professeur est de déconstruire les clichés avec beaucoup de prudence. Si je rentre frontalement en confrontation avec le verset, sachant que la théologie islamique classique considère que tout le Coran est parole dictée de Dieu, on va me dire, mais monsieur, si c'est Dieu qui l'a dit, et factuellement dit, vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais évidemment, si je vais dans le sens du verset, alors là, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce professeur qui autorise à battre sa femme hein ? Le programme scolaire de religion islamique est obsolète, estime Hicham Abdelgawad. Face aux nombreuses questions des jeunes, les professeurs ne sont pas assez formés. 6 voitures incendiées ce matin sur le parking de la gare de Lutres, près de Charleroi. Oui, les pompiers n'ont rien pu faire, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Les 6 véhicules étaient stationnés l'un à côté de l'autre sur le parking de la gare. Ils ont pris feu tous ensemble vers 9h du matin. La rentrée, c'est aussi pour le gouvernement wallon, mais ça c'était aujourd'hui. Les 8 ministres du gouvernement wallon se sont mis au vert au château de la Hulpe, dans le Brabant wallon. Ils ont fixé le calendrier des gros dossiers à venir. Prioritaire, la réforme des allocations familiales, elle est prévue au printemps. Pas prioritaire, le budget, le retour à l'équilibre, il attendra quelques années. L'équilibre en 2018 ne sera pas possible, dixit le ministre-président de la région Wallonne, le tram liégeois, lui, ne sera pas inauguré avant 2022. À l'étranger, cet incident sur un vol transatlantique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Oui, les passagers ont dû avoir la frayeur de leur vie. Imaginez plutôt, le Boeing 767 de la compagnie United Airlines avait décollé de Houston. Il devait atterrir à Heathrow. Il s'est finalement posé à Shannon en Irlande à cause des turbulences. Il y avait 220 personnes à bord. 16 sont légèrement blessées. En Allemagne, les femmes infidèles vont devoir rendre des comptes. En tout cas, si elles donnent naissance à un enfant après une liaison extra-conjugale, elles devront lever le secret et révéler le nom de ce géniteur. Pourquoi ? Pour une question de gros sous, pardi, le mari pourra exiger du géniteur qu'il subvienne à l'entretien de l'enfant qu'il a conçu. Tout cela sera réglé par une loi. C'est le ministre allemand de la Justice qui défend le projet. À Berlin, on retrouve Pascal Thibault. On les appelle les enfants coucou, comme pour cet oiseau qui pond ses œufs dans un nid qui n'est pas le sien. Ils ne sont pas les enfants de leur père juridique. Leur mère ayant eu une relation extra-conjugale avec un autre homme dont ils sont issus. 4 à 10% des enfants seraient concernés d'après des enquêtes. Pour contester sa paternité, le mari doit savoir qui était le véritable géniteur. Un arrêt de la Cour constitutionnelle avait estimé que l'obligation faite à la mère de dévoiler l'identité du vrai père de l'enfant devait faire l'objet d'une loi. Tel est l'objectif du texte présenté ce matin au Conseil des ministres avant d'être débattu par le Parlement allemand. Cette loi veut contraindre les femmes concernées à avouer à leur conjoint contestant leur paternité le nom du géniteur d'un enfant né d'une relation extra-conjugale. La mère pourra garder le silence si des raisons très sérieuses s'opposent à une identification du père biologique. Le géniteur pourra se voir obligé de rembourser les frais d'entretien de l'enfant sur une période allant jusqu'à 2 ans. Les sanctions pouvant frapper une femme gardant le silence devront être fixées par les tribunaux. Enfin, ce voyage, encore impossible il y a quelques années, voyage historique mais très critiqué par les défenseurs de l'environnement, une croisière de luxe est partie de l'Alaska vers New York. Elle transporte 1000 passagers et navigue par le mythique passage du Nord-Ouest. Bref, une aventure dans un endroit où autrefois la banquise ne fondait jamais. Nom du bateau, le Crystal Serenity. Mais c'est tout sauf serein parce que, je vous le disais, les organisations environnementales dénoncent cette escapade touristique. Les passagers ont déboursé entre 22 et 120 000 dollars. Ils ont dû s'assurer aussi 50 000 dollars en cas d'évacuation d'urgence. C'est une abomination. Un énorme consommateur de diesel, déverseur de déchets, destructeur de banquises, fait un bras d'honneur à ce qu'il reste de la planète. C'est ce que disent les défenseurs de l'environnement. Attention, imitation. Ah, ouh, le loup reviendra-t-il un jour en Belgique ? Mauvaise question, Cyril. La question, c'est quand reviendra-t-il ? Quand fera-t-il son retour ? Parce que plus d'un siècle après sa disparition chez nous, les spécialistes en sont convaincus. Lionel de Neubourg va nous l'expliquer. Le lion va revenir dans nos forêts d'Ardennes. Oui, puisqu'il est déjà très présent de l'autre côté de la frontière, en France. Roselyne Baudels-Jamard, de l'Institut des sciences naturelles. On estime à 300 km dans le massif vosgien, donc c'est vraiment pas très très loin. Et sachant qu'un loup peut parcourir environ 40 km en une nuit, faites le calcul, on y est vite, d'ici quelques années, sa présence devrait donc être plus visible. Les superficies que nous avons ne sont pas très importantes, je veux dire, par rapport aux Alpes. Donc je ne pense pas qu'on n'aura jamais de grandes populations installées chez nous en permanence. Mais certainement des individus qui utiliseront le territoire, je pense que oui. Notez que le loup est tellement discret qu'il est sans doute déjà passé sans qu'on le voie. Alors, autre question, Lionel, est-ce qu'on doit craindre ce retour du loup en Ardennes ? Oui, puisqu'il est déjà très présent de l'autre. Ben non, c'est vrai que la bébête, elle a toujours suscité la crainte. Non, non, gentil, gentil, les pépères. Et ça commence très tôt. Rappelez-vous les contes pour enfants. Il craint le grand méchant loup, méchant loup. Forcément, qu'on le veuille ou non, on a tous gardé inconsciemment une mauvaise image du loup. Tout à fait à tort. Un de mes amis, qui est un des tout grands spécialistes du loup européen, ça fait 40 ans qu'il étudie les loups partout, y compris les archives. Lui ne croit absolument pas aux attaques directement contre Homo sapiens. Pas d'attaque contre l'homme, donc le loup, c'est les moutons qu'il préfère. Mais chez nous, on n'a pas d'alpage, donc pas trop de risques non plus. Antoine Lebrun est le directeur de WWF Belgique. Et pour lui, la présence du loup serait même une bonne chose pour nos forêts. La présence de carnivores de type loup est intéressante parce que ce sont des animaux qui s'en prennent principalement à des animaux sauvages, malades ou âgés, qui contribuent de ce fait à maintenir l'équilibre de la faune sauvage. Pour le WWF, il est temps de se préparer au retour du loup, sans crainte et sans fantasme. C'est des loups pour ça. En sport, un rendez-vous important pour nos basketteurs ce soir. Les Lions, non pas les loups, entament les qualifications pour l'Euro 2017 de basket. Leur premier adversaire sera la Chypre, rencontre à 18h à Anvers. Pour se qualifier, les Lions doivent terminer premier du groupe composé de la Belgique, forcément, de l'Islande, de la Suisse et de Chypre. Donc, tirage plutôt clément. Ce tirage plutôt difficile, en revanche, en tennis, pour Steve Darcy, au deuxième tour de l'US Open. Il va affronter en début de soirée John Isner, l'Américain 21e joueur mondial, aura aussi l'appui du public. Les Diables Rouges, ça c'est pour demain, contre l'Espagne. Et Thierry Henry, le nouveau T3, semble avoir un don tout particulier pour se faire apprécier du grand public. Il annonce aujourd'hui qu'il versera son salaire à des œuvres caritatives belges. L'ancien attaquant français devait toucher plus ou moins 50 000 euros par an. Il la reversera intégralement. Un beau geste. Bon, pas trop difficile à faire dans la mesure où Thierry Henry touche 5 millions d'euros par an comme consultant pour la chaîne anglaise Sky Sports. Un job qu'il va donc cumuler avec son poste de T3. Bon, c'est un beau geste quand même, c'est sympa. Merci Manu. Il aurait pu ne pas le faire. Ah bah oui, effectivement. Merci Manu pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. On fait un point RTBF Mobile Info. Antoine Binamé, ça se dégage sur la E40. Sur le 42, oui, effectivement, sur le 42 Tournemont, chaussée dégagée à hauteur de Pomerol. Un accident s'était produit tout à l'heure. On perd encore une dizaine de minutes sur 2 km en direction de Mons. Un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Tervuren, bande de gauche neutralisée vers Zaventem. Et sur le tronçon extérieur Zaventem-Grand Biguère, eh bien, vous perdez actuellement 45 minutes. Ça va mieux en circulation intérieure. Zaventem-Carrefour-Léonard, 15 minutes perdues actuellement. Et ralentissement habituel dans les tunnels bruxellois. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Eh ben ouais, c'est parti, jusqu'à 19h, nouveau 5 à 7 avec vous tous, avec vous toutes aussi de l'autre côté de la radio. On va faire de la radio ensemble ce soir, non seulement parce que j'ai des cadeaux à vous offrir, on en reparlera tout à l'heure, et puis je vous rappelle qu'on reviendra sur ce phénomène en Islande. Il y a eu des travaux, c'est hallucinant comme histoire, je vous dis pas tout maintenant, mais il y a eu des travaux à cause d'elfes. Manu, je me retourne vers vous, est-ce que vous avez déjà vu des elfes? Dans mon placard, comme Marie Poppère, je ne sais pas, n'importe non, où. Je ne suis pas sûre d'en avoir souvent, déjà vu. Et alors je précise, sobre, parce que ça c'est important, parfois on voilà. Des éléphants roses, souvent, mais des elfes, non, jamais. Est-ce que vous avez déjà vu des êtres comme des elfes, des lutins, je ne sais pas, ou quelque chose de totalement paranormal? Vous pouvez me le dire par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Je vous attends. Dans un instant, dans ce 5 à 7, on va parler d'une nouvelle école à Genneval. C'est la rentrée demain. Alors, vos enfants ne sont peut-être pas encore inscrits à cette école-là, mais l'idée de cette école, c'est de ne pas avoir de prof, c'est de ne pas avoir de cours. Mais pourtant, des élèves qui vont quand même devoir apprendre. Et bien, ils vont apprendre tout seuls. C'est une vraie école, ça existe vraiment. On en reparle dans quelques minutes dans ce 5 à 7 sur Vivacité. Vous savez qu'il y a un événement sportif qui approche. Demain soir, le match qui opposera la Belgique à l'Espagne, ce sera au stade Roi Baudouin. Et bien, nous aurons un Liégeois espagnol avec nous qui viendra nous dire finalement de quel côté il est. Parce que c'est pas évident quand on est des deux côtés, quand on est à la fois belge, quand on est à la fois espagnol. Vous pouvez d'ailleurs faire vos pronostics aussi pour ce match par SMS au 30-63. On parlera de petit déjeuner, demain c'est la rentrée, vous allez vous lever tôt, j'espère assez tôt pour pouvoir prendre votre petit déjeuner. On apprend aujourd'hui que les enfants belges prennent moins souvent leur petit déjeuner que les autres enfants européens. Alors est-ce que vos enfants prennent un petit déj? Il faut leur donner, a priori c'est bon. On verra pourquoi tout à l'heure et on verra quel est le petit déjeuner idéal. Ça et plein d'autres choses, c'est ce 5 à 7 qui démarre maintenant, on est ensemble jusqu'à 19h. Ce jeudi 1er septembre, le journal Le Soir vous invite à croquer la rentrée scolaire à pleines dents. À cette occasion, nous vous offrons une savoureuse pomme Belgica fraîchement cueillie. Envie d'une pomme gratuite? Recevez-la ce jeudi en librairie avec votre journal Le Soir. Parce que consommer local, c'est aider nos agriculteurs. Le Soir, je lis, donc j'agis. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfant. Infos et conditions, brentano.be. Vivacité vous invite à l'avant-première de Ben-Hur avec Morgan Freeman. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Pour y assister le 6 septembre à Bruxelles et Liège, téléphonez au 0905 56 472, 50 cents par appel. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincras un empire. Vous connaissez l'histoire de ce kiné qui s'est fait un tour de rein? Ou celle de cet anesthésiste qui s'est fait piquer par une mouche CC? Ou celle de cet acupuncteur qui a perdu ses aiguilles dans une botte de foin? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre cabinet ou pour votre officine. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard, votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les professions libérales. CBC, décidez d'avancer. Maman, on joue au supermarché. D'accord, mon cœur. Alors, je voudrais un kilo de... Tu dois d'abord trouver une place de parking. Ah, ok. Boum, voilà. Je vous... Et ton caddie. Ah oui. Bon, alors, je voudrais... Eh là, madame, dans la file, comme tout le monde. Mais enfin, je... Renfort caisse. Oubliez le stress du supermarché. Faites vos courses sur wink.be, le supermarché 100% en ligne qui livre aussi à domicile. Profitez vite de moins 10% sur tous vos achats pendant un mois. Ouais. De la première livraison gratuite et d'un kit rentrée des classes en cadeau. Ouais. Wink.be. Télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Aïe. Ah bah ouais, le professeur, c'est fini. On le verra plus, le professeur. En tout cas, dans une école à Genneval. C'est l'info aujourd'hui, alors que demain, vos petits-enfants vont peut-être reprendre le chemin de l'école. On nous dit qu'à Genneval, il y a une école qui va démarrer sans cours, sans examen, sans prof. Alors, comment ça peut fonctionner? Quel est le concept? On va en parler tout de suite. Parce que peut-être que vos enfants dans la voiture se disent « Ah, c'est génial, une école sans professeur. On va pouvoir faire ce qu'on veut. » Nathalie Collas, vous êtes cofondatrice de l'école autonome de Genneval. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors Nathalie, je reviens à vous dans un instant. Je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'on a reçu un message de Didier l'autre jour sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF qui m'a dit « Cyril, pourquoi est-ce qu'en début d'émission on entend tout le temps ?» Je vous présente la coupable. C'est Manu Delporte. Manu, vous aimez bien maltraiter votre clavier. C'est-à-dire que j'essaie d'écrire la suite de ce que je vais vous dire à 17h30 et malheureusement je on tape a des vieux claviers. Fort et voilà. Je tape un peu fort. Et c'est, voilà, quand on tapote, ça fait ça sur le clavier. Voilà, ça s'entend légèrement, mais allez-y, c'est normal, vous préparez les titres, continuez à taper, on fait comme si ça n'existe pas. Nathalie, je reviens vers vous. Donc, quel est le concept de cette école qui ouvre à Genneval? Ça va être la première rentrée là, cette fois-ci, sans prof, sans examen, sans cours. Oui, alors effectivement, donc la rentrée scolaire se fera lundi 5 septembre. Donc nous avons 10 étudiants qui sont inscrits pour le moment. Alors quand on dit sans professeur, bien non, parce que justement l'idée c'est qu'en fait tout le monde est professeur et professeur de soi-même avant tout. Et donc on se base sur les apprentissages autonomes. Et pour garantir les apprentissages autonomes, il faut assurer la liberté individuelle de chaque individu, de chaque personne. Et pour pouvoir pouvoir garantir cela, eh bien, on se base sur des procédures démocratiques, donc très claires et transparentes, où donc chaque étudiant dans l'école a une voix dans toutes les décisions qui concernent l'école, dont le budget aussi, qui est transparent et visible par tous. Et donc, un enfant de 6 ans a une voix et un droit de vote qui est identique au mien, par Mais exemple. Au niveau des cours, comment ça se passe que, parce que quand vous dites on est son propre professeur, comment est-ce qu'à 6 ans, on sait qu'on va devoir ouvrir son cours de maths, par exemple, et commencer à faire des calculs? Eh bien, on ne le sait pas à 6 ans. Et justement, c'est parce que c'est pas naturel de faire ça. Et donc, nous, l'enfant, en fait, donc, pour vous faire une journée type, donc, l'enfant arrive dans ce cas, donc, dans cette école, mais en fait, qui est un milieu de vie, où des enfants de 6 à 16 ans se croisent et donc font ce qu'ils aiment faire toute la journée. Donc, ils vont vers leur centre d'intérêt et, bien sûr, dans le respect des droits individuels de chacun. Prenons mon cas, Nathalie. Quand j'étais à l'école Pythagore, je pouvais pas en entendre parler. Alors à force, on m'a fait rentrer le théorème de Pythagore, mais jamais, même si on m'avait dit, bah regarde, c'est bien que tu l'apprennes, jamais de moi-même j'y serais allé. Là, il y a quelqu'un qui pourrait me forcer à dire, non mais vraiment, quand même, il faut que tu apprennes le théorème de Pythagore. Mais moi j'ai une question, est-ce que vous vous en servez au quotidien de ce théorème de Pythagore? Absolument pas, et c'était une bagarre à l'école avec mes profs en disant, mais quand est-ce que je vais utiliser que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés? Voilà, ça me sert à la radio aujourd'hui pour vous le dire, mais c'est tout. Voilà, ça sert à briller en société, on va dire. Comme vous, voilà, c'est tout ce que j'ai retenu du théorème de Pythagore. Mais non, donc en fait, effectivement, bien sûr, donc tous les élèves, en tout cas, vont apprendre à lire, écrire et compter. Parce que ça, on n'a pas besoin d'une méthode. Non, mais là, on n'apprend pas, on n'ouvre pas de livre par rapport à ça. Donc ça, c'est depuis 1968, et même dans l'histoire de l'humanité, on peut voir qu'il n'y a pas besoin de méthode pour apprendre à lire et compter et écrire. Mais donc, parce que ça répond à un besoin naturel. Donc on n'apprend pas à faire des maths pour réussir un test, on apprend les maths parce qu'on a besoin de construire une maquette à l'échelle, par exemple. On apprend à lire parce qu'on a vraiment envie de se plonger dans un livre et à un moment donné, on craque le code du système alphabétique, qui est un système de correspondance de sons et de lettres. Ouais. Et ensuite, effectivement, les enfants qui sortent de ces écoles-là ne sont pas des enfants, ils ne vont pas tous être calés ou capables de faire de la trigonométrie ou ce genre de choses. Mais moi non plus, j'en suis pas capable. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils vont apprendre à se connaître et à creuser et surtout à ils vont se concentrer naturellement sur leur centre d'intérêt. Donc une fois qu'on a appris et qu'on a su se concentrer dans un domaine pour quelque chose qui nous passionne, on peut se concentrer sur toute autre chose qui nous passionne. Et la passion, ça ne veut pas dire que c'est toujours du plaisir. Quand on est passionné par quelque chose, eh bien on doit passer par des moments d'effort et de travail où on doit aller chercher l'information, on doit la mémoriser, on doit la maîtriser pour pouvoir mettre en œuvre ce qui nous passionne. Et bah donc vous allez créer des enfants curieux dans cette école, c'est ça l'idée? Alors voilà. L'idée, voilà, c'est pas qu'on les crée avec on crée pas la curiosité chez eux, c'est qu'en fait on la cultive et on leur laisse la liberté justement de cultiver cette curiosité, ce potentiel à 100%. Donc il n'y a aucune intervention dans leur potentiel de développement. Eh ben merci Nathalie pour vos explications. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'école autonome à Genneval. On verra dans un instant l'avis de Jonathan Fischbach. Il travaille pour la plateforme enseignant.be. Quel est son avis, lui qui a l'habitude des cours traditionnels avec des profs, avec des examens et tout ça. Ce sera juste après les titre de 17h30 dans l'émission des cadeaux à venir aussi. Et puis on parlera de sport. Il y a un gros match qui arrive. Belgique-Espagne, match amical des Diables Rouges. Ce sera demain à suivre sur les médias de la RTBF. On en parle dans deux minutes. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce samedi 3 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce samedi 3 septembre de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. Encore un choix. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. J'aime tout ce qui est cuisiné au four parce que c'est assez facile à préparer. Alors vous ne trouverez pas mieux que notre super poulet à rôtir. Un petit. Oh oui, du sel, du poivre et hop au four. C'est tellement facile et c'est toujours un succès. Oui, vous êtes sûr de ne pas faire un four? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre super poulet à rôtir est à seulement 2,25€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Il est 17h30, l'heure de retrouver les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Prévoir le souper un petit peu plus tôt aujourd'hui, ne pas aller se coucher trop tard. Demain, le réveil va sonner un peu plus tôt pour des centaines de milliers de familles. C'est reparti jusqu'en juin. Demain, vous écrirez aussi sans doute 2017 plusieurs fois sur une série de documents. L'année scolaire 2016-2017, c'est parti. Pour bien quitter les plus jeunes, ne pas mettre trop de pression. Dès ce soir, l'école c'est chouette, on se fait des copains. Et demain matin, ne pas trop traîner non plus dans la classe des plus petits. Dire au revoir, donner rendez-vous à midi ou à 4h et puis partir sans trop d'hésitation. Les enfants ne pleureront pas toute la journée. Dans l'info aussi, ce projet de loi discuté en Allemagne, il impose aux femmes qui auraient eu un enfant hors mariage de donner le nom du géniteur pour imposer à ce géniteur de prendre en charge les frais d'éducation de cet enfant. Le loup sera bientôt de retour en Ardennes, il est déjà en France et en Allemagne. Il devrait arriver dans nos forêts d'ici quelques années et il faut vite oublier les contes de fées parce que le loup n'est pas dangereux pour l'homme. Les moutons en revanche ont des soucis à se faire, mais il n'y en a pas énormément de ce côté-là de la Wallonie. Enfin, cette inquiétude dans le Périgord, il risque de ne pas y avoir de truffes à Noël. Trop chaud, pas assez de pluie, c'est pas bien pour les truffes. On en reparle Qu'est-ce à 18h dans le journal de Justine Hermans. Qu'est-ce qu'on va faire, Manu ? On devra trouver des substituts. Alors, on prendra des champignons de Paris, c'est moins sympa, mais ça se mange aussi. C'est moins glamour, mais ouais. C'est très bon. Merci Manu. Prochain point sur l'actu, donc à 18h. La météo tout de suite, Dominique. Est-ce que vous avez des meilleures nouvelles que Manu ? Des nuages quand même pour demain. Ah bah super, si c'est quelle une journée. Très très bonne nouvelle. Mais quand même quelques timides éclaircies encore possibles sur le sud. Ceci dit, il ne faut pas non plus trop perdre espoir. 20 à 24 degrés côté température. Donc ça va être plutôt pas mal. Et puis vendredi, le soleil va revenir de manière plus franche. On attend 22 à 27 degrés. Donc voilà, c'est un petit peu en demi-teinte. Oui, ça va, ça termine pas trop mal. On part sur les routes, on va voir si les nouvelles sont bonnes ou pas. C'est le RTBF Mobile Info avec Antoine Binamet. Eh bien, on a quand même plusieurs soucis. Un accident sur le 42 Namur-Liège à hauteur d'Andenne. Bande de gauche et bande d'arrêt d'urgence neutralisée vers Liège. Vous perdez une dizaine de minutes. Un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Tervuren. C'est la bande de gauche qui neutralisée vers Zaventem. Et le tronçon le plus ralenti de ce ring est toujours en extérieur. Zaventem Grand Bigard. Vous perdez actuellement une quarantaine de minutes. 20 minutes, c'est le temps que vous perdez entre Zaventem et le carrefour Léonard en circulation intérieure. Et puis ralentissement habituel dans les tunnels bruxellois. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Je vous offre des cadeaux dans quelques minutes. Bougez pas de là si vous voulez repartir avec. On parlera aussi des petits déjeuners. Demain, reprise de l'école. Le petit déj, il faut se lever peut-être un peu plus tôt pour le prendre, mais c'est bon de le prendre. Et justement, aujourd'hui, dans l'actu, on apprend que les enfants belges prennent moins souvent leur petit déjeuner que les autres enfants européens. Danger ou pas ? On verra ça dans quelques minutes sur Vivacité. On reviendra aussi sur l'événement sportif de demain. La Belgique qui reçoit l'Espagne au stade à Roi-Baudouin. On aura un Liégeois espagnol. Ah bah, il va avoir le cœur partagé demain. On verra quelle est l'ambiance avec lui dans quelques minutes. Et puis il y a un instant, on parlait d'une école autonome à Genève. L'idée de ne pas avoir de professeur, pas avoir de cours, pas avoir d'examen. Et qu'est-ce qu'il en pense, Jonathan Fischbach de la plateforme enseignant.be. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être dans ce 5 à 7. Alors vous avez entendu, merci. Une école qui fonctionne à l'inverse de toutes les autres écoles qu'on connaît en Belgique. Pas de prof, pas d'examen, pas de cours. Vous en pensez quoi ? Ah ben ça semble merveilleux sur papier, mais juste avant les infos, j'ai entendu que vous me définissiez comme un tenant de l'enseignement traditionnel, donc ça m'a fait beaucoup sourire. Et donc voilà, donc j'ai bien entendu madame. Je trouve ça évidemment très très chouette que qu'on compte sur les étudiants pour contrôler eux-mêmes leurs acquis, qu'on travaille à partir de leur motivation et qu'on les pousse à se dépasser. Maintenant, l'enseignement traditionnel avec des enseignants, des vrais en chair et en os, avec éventuellement des évaluations formatives et certificatives, c'est pas du tout l'enseignement de bon papa, style la gloire de mon père ou le cercle des poètes disparus. Donc moi, il y a plusieurs questions évidemment qui me viennent quand j'entends madame. Donc je vais me permettre de les poser. D'une part, on parle énormément de savoir et de savoir-faire. Moi, j'aurais bien aimé, évidemment, qu'on parle aussi de savoir-être, parce que le professeur n'est pas qu'un expert matière, un transmetteur. Il y a aussi toute la dimension sociale du travail de l'enseignant. Alors, apparemment, il y aurait une dizaine d'élèves inscrits dans cette école. Est-ce que c'est vraiment positif pour des enfants d'avoir un entre-soi et finalement de ne pas se frotter à l'autre, d'éviter ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif? Et ça, c'est une des missions de l'école aujourd'hui. Je pense que tous les enseignants essayent que les élèves se dépassent, aillent au maximum de leur potentialité, se découvrent des capacités aussi peut-être à soupçonner, oui, et des passions. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, moi, ça m'a fait penser un petit peu, cette école, quand j'ai découvert ça, à un soutien, c'est l'ubérisation de la société qui a touché les transports, qui a touché le secteur de l'horeca, et qui maintenant, s'étend à l'école. On a sauf que là, on n'a même pas de remplaçant des professeurs, en l'occurrence. Ben, voilà, et puis bon, il y a la question aussi, quelle est la formation, quelles sont les qualifications de ces coordinateurs, de ces accompagnateurs. Finalement, est-ce qu'ils ont un titre pédagogique? Bon, ils vont encadrer des enfants qui vont être amenés à travailler par eux-mêmes. Et j'ai envie de dire que même dans l'enseignement traditionnel, la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, on voit de plus en plus ça dans les écoles, les maths inversées, les trans inversées, où les élèves sont amenés à travailler chez eux toute une série de concepts, à découvrir parfois la théorie, et le professeur, alors après en classe, est là pour les accompagner après dans la mise en pratique et dans la formalisation de ce qu'ils ont vu à la maison. Donc ça se fait déjà. Et puis, évidemment, il y a le prix. Hein, c'est plus de 4000 euros, je pense, une année. Effectivement, 25 euros par jour. Donc, c'est tout à fait gigantesque. Qui pourra se permettre ça? Hein, on a déjà des enseignements les plus inégalitaires au monde. 4500 euros, c'est le prix de plusieurs années universitaires. Bah, Jonathan, donc, on fait le point dans quelques mois et on voit si ça a fonctionné ou pas. Voilà. Et puis alors, dernier point quand même, parce qu'il faut être très très attentif à ça, c'est une école qui évidemment n'est pas reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc vrai. Ça veut dire qu'après 6 années d'études secondaires, le diplôme... Il faut passer le jury central. Voilà, qui sera délivré, bah, il vaudra peanuts, il faudra passer le jury central. Et donc finalement, c'est un peu comme la filière libre et l'auto-école. La filière libre, c'est vrai que, bon, dans ce cas-ci, la filière libre, ça coûte pas cher. Ça peut paraître très sympathique au demeurant, mais ça ne permet pas de conduire par après. L'auto-école, bah, on est encadré par un professionnel. Moi, je crois que dans l'enseignement traditionnel, il faut des enseignants, il faut des enseignants motivés, et il y en a énormément, énormément. Ce genre d'initiative, elle part sur de très belles valeurs que je peux évidemment défendre, mais j'ai pas l'impression que madame fait confiance aux enseignants et au travail qu'ils font aujourd'hui dans les écoles. Eh ben merci Jonathan pour votre avis. On se donne rendez-vous dans quelques mois, on fait le point et on verra si ça a fonctionné. On fera le bilan. Bonne soirée Jonathan, à bientôt. Dans un instant, on s'intéresse au match de demain. La Belgique reçoit l'Espagne. Vos pronostics pour le match, je les attends au 30-63 par SMS, 50 centimes le message. Et on verra dans un instant avec un Espagnol liégeois qui va avoir le cœur peut-être déchiré demain, comment il appréhende ce match de demain soir et quelle ambiance il y aura au Stade Roi-Baudouin. Vivacité présente en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouastine et Torrembel et Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vous ne rêvez pas. Vassieux Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieux Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. La région de Bruxelles-Capitale, Viva Bruxelles et la Une présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD, Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Tu as réussi ta sixième technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Sophie, il ne reste que quelques jours pour en profiter. Pourquoi? Tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bon, allez, on y va. Profitez de la grande liquidation avant travaux au meuble Lambermont à Bertry. Séjour, living, chambre à coucher, salon, literie, tout doit disparaître. Meuble Lambermont à Bertry en Ardennes, E411, sortie 25. Ouvert aussi les dimanches et jours fériés. 17h-19h, 5 à 7, sur Vivacité. Demain sur Viva, il y a un rendez-vous à ne pas manquer, puisque dès 19h, émission spéciale complètement foot avec David Oudrey, Pascal Chimet, Alex Tecla qui seront là. Rendez-vous pour cette émission spéciale Diable Rouge. Demain soir, vous savez qu'il y a les Diables qui seront sur le terrain, sur la pelouse du Stade Roi-Baudouin face à l'Espagne. Premier match pour notre sélectionneur, notre nouveau sélectionneur national, Roberto Martinez. Alors on en reparle donc demain soir, dès 19h sur Vivacité, soyez là. Et puis tout de suite aussi dans le 5 à 7. 5 à 7. Alors je vous parlais de Roberto Martinez il y a un instant, on accueille Pedro Gomez. Bonsoir Pedro. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors Pedro, vous êtes, on peut dire, le plus liégeois des Espagnols ou le plus espagnol des Liégeois. Comment je vous présente Pedro? Ouais, je suis plutôt espagnol, le plus grand espagnol des Liégeois. Et alors demain, ça va être difficile ce match? Non, parce que voilà, j'ai ma source c'est l'Espagne et je suis resté fidèle à l'Espagne. Donc vous serez derrière l'équipe espagnole demain. Alors vous avez été gardien de but pour le Standard, vous avez joué aussi à Cadix. Vous avez votre cœur qui est complètement là-bas alors? Non, mon cœur est ici parce que il y a une chose que nous avons, c'est-à-dire, mais c'est pas propre à l'Espagne, mais surtout aux Européens. J'en ai déjà parlé aux Italiens aussi. C'est que quand nous allons en Espagne, on nous considère pas comme des Espagnols, on nous considère vraiment comme des immigrés aussi. Ah ouais? Ici, on est. Ah oui. Je peux vous assurer que là, voilà, ils disent que. C'est quoi? C'est une question d'accent? Non, simplement, ils ont dans leur tête que nos parents ont quitté l'Espagne, donc on est né en Belgique, donc on n'est pas espagnol. Pedro, j'ai un cadeau pour vous. On continue à parler dans un instant, mais je vais vous mettre dans une ambiance espagnole, comme ça vous serez bien, vous sentez à la maison, d'accord? Dites-moi. Ben voilà, ça vous va comme ça? On continue sur cette petite musique. Très bien, là. Une petite danse. Vous mettez la robe ou moi je mets la robe pour le flamenco? Non, je préfère que vous la mettiez. Ok, bah ça me dérange pas. Voilà, je mets ma petite robe pour le flamenco. Et pendant qu'on danse, vous allez m'expliquer demain quelle ambiance il y aura au stade. Il y aura forcément beaucoup d'Espagnols, il y en a pas mal en Belgique. Oui, il y a une grande. Oui, il y a beaucoup d'Espagnols en Belgique, il y en a beaucoup à Bruxelles. Donc, la dernière fois que l'Espagne était venue jouer en Belgique, j'avais été les voir et c'était tout un virage qu'ils avaient. Et il y avait une superbe ambiance, effectivement. Et alors, demain, vous pensez que l'Espagne, elle va faire quoi face à la Belgique? Parce que pour notre sélectionneur, c'est pas facile non plus, avec ses origines. Il est espagnol aussi, effectivement. Ah ouais. Donc, ouais, mais lui, il est payé pour. Donc, ok, ouais, comme il a de l'argent, il passe au-dessus de son cœur, d'accord. Voilà, non, mais bon, voilà, il y a le sport et puis le travail. Lui, il est dans le travail. Et puis, donc, non, j'espère que ça va être un match nul. Comme ça, ben, le sélectionneur espagnol aura pris. Aura fait une bonne affaire en faisant un nul contre l'Espagne. Et l'Espagne, on sera fiers d'eux aussi. Mais en même temps, vu que c'est son premier match, si on pouvait gagner, ce serait pas mal. Hein. Enfin, quand je dis on, c'est pour la Belgique. Oui, hein. Ouais. Ouais, vous, ben voilà. Vous. Ouais, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ouais. Non, ben, c'est pas que je ne sois pas d'accord ou pas. De toute façon, le sport, c'est ça qui est bon. On ne sait jamais le résultat à l'avance, sauf quand le match est truqué, évidemment. C'est bien vrai. Mais ce ne sera pas le cas demain, bien sûr. Tout ça est à suivre en direct sur Vivacité demain soir dès 19h. Pedro, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Bon match demain. Et on le dit. Viva España. Ça c'est. Oui, Viva España, ça c'est clair. Vamos. Ouais. Vamos. Voilà. Si on veut supporter l'équipe d'Espagne, ce que personne ne fera bien évidemment. Mais si jamais on veut, quelle phrase on dit exactement alors? Vamos. Vamos, ça, vamos España. D'accord. Voilà. Eh ben, vive les Diables Rouges. Bonne soirée, Pedro. À merci bientôt. Également, et merci de m'avoir invité. Au revoir. Il est 17h44. Bah, déjeuner en paix, je sais pas, mais déjeuner en tout cas, il faut le faire. On va en parler tout de suite. On apprend dans l'actu aujourd'hui que les enfants belges prennent moins souvent leur petit déjeuner que les autres enfants européens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut prendre le temps de prendre son petit déjeuner le matin. C'est pas Serge Peters qui va me contredire. Vous êtes diététicien, nutritionniste. Bonsoir Serge. Bonsoir Cyril. Je dis pas de bêtises en disant que le matin, il faut prendre son petit déjeuner aussi. C'est un repas important, c'est un repas qui permet de préparer toute la journée et dont l'important, c'est se vérifier tous les jours, et notamment chez les enfants, pour tout ce qui concerne l'attention de la matinée, par exemple. Donc, effectivement, le petit déjeuner permet même d'avoir et peut-être de garder des résultats scolaires plus intéressants que les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. Ici, c'est la société Kellogg's donc, qui a mené une étude. On apprend que les Belges sont moins assidus au petit déjeuner que les autres Européens. Une des raisons serait l'aspect financier. Que ça coûterait cher de prendre un petit déjeuner quand on a plusieurs enfants. Ça fait un budget tous les matins. Est-ce qu'on peut prendre un petit déjeuner correct sans se ruiner? Ben oui, et c'est là que je suis un petit peu interpellé par les résultats de cette étude où ils placent tout sur la notion de précarité. Je veux bien que parfois certains produits peuvent coûter cher, mais je pense qu'on peut avoir un petit déjeuner bien équilibré, qui n'est pas spécialement ruineux. Et on peut, j'aurais tendance à dire, pourquoi pas éventuellement des flocons d'avoine avec un produit laitier, vous mettez un fruit, j'appelle pas ça quelque chose d'onéreux, vous mettez en plus de l'eau ou un thé et du café, et c'est quelque chose qui convient très bien à la majorité des gens. Alors, donc, avoine, eau, café, thé, et on parle... Est-ce que c'est très sexy? Et un fruit, est-ce que c'est très sexy pour les enfants, ça? Alors, maintenant, c'est à voir avec les enfants. C'est aussi, il faut pas oublier que, moi, ce que je pense plutôt, c'est que la plupart du temps, c'est que généralement, on a un petit peu habitué les adultes à être pressés par le temps. Mmh. Quand on voit la plupart du temps, les gens sont un petit peu toujours à la bourre dès le début de la matinée, prennent pas le temps de prendre le petit déjeuner. Et donc, finalement, ils habituent un petit peu leurs enfants à rentrer rapidement dans la voiture, ils les mettent à la garderie, et effectivement, l'enfant n'a pas le temps ou n'a pas envie de manger. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et je pense que justement pendant ces vacances-ci, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être pris le temps de réapprendre à prendre un petit déjeuner, ouais, à savourer un petit déjeuner. Et c'est une bonne manière de faire parce que de cette manière-là, on peut préparer la table la veille au soir avec déjà la vaisselle. On prend éventuellement du pain, on prend éventuellement des flocons d'avoine pour ceux qui veulent ou autres céréales équilibrées. Et bien, je veux dire, le petit déjeuner en 10 minutes, c'est fait, mais on prend le temps et donc peut-être de se lever 10 minutes, un quart d'heure plus tôt. Ici, c'est Kellogg's, donc je le disais, qui a mené cette étude. Vous parliez de céréales et de céréales équilibrées. Est-ce qu'on peut aller vers les céréales? Parce que ça, c'est rapide quand même le matin. Alors oui, c'est rapide. Maintenant, il va falloir apprendre à vérifier la qualité nutritionnelle des céréales. Il y a des céréales qui, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est peut-être de vérifier notamment si elles sont très sucrées ou pas. Je préfère justement des céréales qui ne sont pas trop sucrées, qui vont contenir peut-être plus d'amidon, mais malheureusement, les céréales petit-déjeuner, la plupart du temps que les enfants préfèrent, vont généralement aller vers des céréales beaucoup plus sucrées, ouais, des céréales qui ont des formes qui vont se digérer très rapidement. Et quelle est la problématique? C'est que le taux de sucre va monter rapidement dans le sang, mmh, et par la suite, il va y avoir une libération importante d'insuline, ce qui va induire une hypoglycémie réactionnelle. Et les enfants auront, à 1h30, 2h après, à nouveau très faim, alors que quand je parlais tout à l'heure de flocons d'avoine, c'est vrai que ça paraît un peu moins sexy, mais je peux vous assurer que j'ai plein d'enfants qui le font, avec des fruits, qui mettent éventuellement des fruits secs, un petit peu de noix, ce genre de choses, ouais, et ben, ils trouvent ça finalement bon, mais c'est une question d'habitude, et une fois qu'ils ont mangé ce genre de petit déjeuner, ben, je peux vous assurer qu'ils disent, pendant toute la matinée, j'ai l'impression d'avoir pas mal d'énergie, je suis plus efficace. Et ça, c'est important à l'école. Ouais. Et ça, c'est important parce que, justement, ils l'ont bien mis dans l'étude, c'est que les professeurs se plaignent parfois de ce manque d'inattention chez les enfants. Et ben, c'est effectivement le cas à partir de 10h, de ceux qui ont tendance à pas bien manger ou à manger des céréales, éventuellement, qui vont faire monter trop vite le sucre dans le sang. Et à propos de 10h, justement, donc si on a pris un bon petit déjeuner équilibré, demain, c'est la rentrée, on met quoi dans le cartable des enfants comme 10h pour avoir la collation idéale? Alors, normalement, si on a pris un bon petit déjeuner, la collation de 10h n'a aucun intérêt nutritionnel. D'accord, donc après, on peut passer au-dessus. Donc, La collation de 10 heures est simplement une invention d'après la guerre pour pouvoir augmenter le taux de produits laitiers dans l'alimentation pour la prévention de l'ostéopérose, mais c'est depuis les années fin des années 90 et surtout depuis les années 2000 que ce verre de lait, je ne sais pas si vous, quand vous étiez à l'école, vous aviez reçu ou receviez éventuellement votre berlingot de lait à la récréation du matin. Exactement. Mais par la suite, ça s'est transformé un petit peu en tout et n'importe quoi. Et donc là, on est en train de dire attention, ces produits-là, qui sont gras, qui sont sucrés, qui sont même parfois salés, n'ont aucun intérêt dans l'alimentation de l'enfant. Et s'il n'a pas pris de petit déjeuner, c'est pas le fait de donner une collation qui va les aider à avoir une meilleure alimentation, c'est de préprendre un petit déjeuner, de ne pas prendre de collation en matinée, et finalement d'avoir le repas de midi équilibré. Parce que ce que l'on constate aussi, c'est que tous ces enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner, mais qui vont avoir tendance à manger une grosse collation à 10 heures, n'ont plus très faim à midi. C'est ça. Et donc, ils ne mangent pas le repas du midi. Mais par contre, à 14 heures, dans certaines écoles, on constate qu'il y a une apparition de la collation de 14 heures, qui n'a aucun intérêt. Ah bah, ça commence à faire beaucoup de repas aussi, là. Voilà, et puis après, il y a le goûter, et puis ils mangent peu à la maison, mais par contre, ils mangent encore devant la télé ou avant d'aller au lit. Et donc, terrible. Ça déstructure totalement la journée, donc on doit essayer de remettre de la structure. Alors, si maintenant on veut, et certaines écoles, notamment en Wallonie, le proposent, il y a celle, c'est de mettre un potage vers 11 heures. Et ça, c'est une bonne manière d'augmenter la consommation de légumes dans l'alimentation et finalement de réduire cette alimentation grasse, sucrée et salée que l'on a avec la plupart des collations que les enfants emportent à l'école. Eh bien, merci Serge pour ces explications. Grâce à vous, demain, peut-être que tous nos enfants auront un bon repas le matin, un bon petit déjeuner, des bonnes collations. Enfin, justement, ils n'en auront pas. Un bon petit potage, des légumes et tout le monde sera en forme pour cette année scolaire. Tout le monde va réussir son année. Merci beaucoup d'être passé dans le 5 à 7, merci, Serge. Bonne soirée. À bientôt dans la suite de ce 5 à 7. Je vais vous parler de cette histoire de fou. On va aller en Islande. À cause d'elfes, il y a des travaux qui ont été faits. Est-ce que vous avez déjà vu des elfes? On fait un point sur vos messages dans quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà vu des elfes ou des êtres totalement paranormaux? 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Il y a le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive aussi. Tout ça, c'est avant 18h. Bougez pas. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Le vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Auto présente le mois de Wout, le dénouement. La dernière semaine avant septembre. Le dernier tirage avec 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Perouet comme si vous y aviez participé avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par Laurent Martin et des milliers de beaux héros pédalant dans la roue de Sarah de Padua sous le soleil du Brabant Wallon. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. En ce moment, chez Colruyt, c'est le Festival des Extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Simplicité sur toute la ligne. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Le cactus de Jérôme Lewarzé arrive dans quelques minutes sur Vivacité. Et puis là, on va partir à Paradise. On vous en parlait hier. Baby P a fait ses premiers pas sur ses quatre petites pattes hier. Il tente de se mettre debout tout seul sans être transporté par sa maman. Mais Dominique, aujourd'hui, il y a une autre news sur Baby P. Mais oui, puisque Paradise vous propose de choisir le prénom de Baby P. Puisqu'il aura bientôt 100 jours et que c'est le cap symbolique à partir duquel son nom définitif peut être choisi selon la tradition chinoise. Donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir. réfléchir sérieusement au prochain comme nom. Enfin, Baby Puce, c'était déjà super mignon, mais ouais, il faut quand même un nom un peu plus personnalisé. Cette musique me donne envie de commander des nems. Voilà. J'ai l'impression qu'on est au resto. Il y a un truc qui me perturbe, mais c'est ça, effectivement. On commandera après. Oui, oui, oui. Rien à voir avec le panda, d'ailleurs. On ne mange pas le panda. Mais alors, donc, du coup, Péridesa fait appel à nous via un sondage sur sa page Facebook. Et là, vous pouvez voir l'un des soigneurs chinois de Baby P, Mr. Wu, qui vous fait 5 propositions. Il prononce les 5 noms via une petite vidéo. Comme ça, on sait un petit peu comment on prononce exactement, ce qui est, le chinois n'est quand même pas facile. Et on a la petite traduction qui suit. Comme ça, vous allez pouvoir choisir, voter, et l'équipe Panda du parc choisira parmi les 3 noms les plus populaires le prénom des finitifs. Et donc le soigneur qui dit ça, c'est Mr. Wu, c'est ça? C'est Mr. Vous savez pourquoi il s'appelle Mr. Wu? Il adore se cacher derrière les portes. Et puis quand vous arrivez, wouh! Ça, voilà. On a les noms du panda. On a les petits extraits de allez, Monsieur on a Wu, Monsieur Wu qui nous dit, qui nous fait les propositions. The name one is Tian Pao. Tian Pao. Ça, ça veut dire trésor du ciel. Tian Pao, trésor du ciel, d'accord. The name two is Xing Hao. Xing Hao. Xing Hao. Bonne étoile. Bonne étoile, d'accord. Ça nous sert à rien de prendre ça, mais on peut, voilà, on apprend un petit peu de chinois. À la sonorité, on peut peut-être choisir juste. Ah oui, juste le truc qui sonne bien. Ce qui sonnerait bien pour Baby P. Allez, troisième. The name three is Ao Xing. Étoile d'Europe. Ocean, d'accord. Name 4 is Huali. Ça veut dire Chine et Belgique. C'est déjà plus difficile à dire, redites-le. Huali. Ouais, très bien. Name 5 is Antoine. Antoine, ça c'est paix unie. Paix unie. Voilà. Bon, bah si vous avez une idée à vous faire, allez si regarder la petite vidéo, vous aurez la traduction, la prononciation et même l'écriture chinoise. Ça peut parfait. Vous aider aussi à faire un choix, pourquoi pas. On met tout ça sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Voici le cactus de Jérôme de Warzé. Jérôme, vous revenez sur cette réunion de concertation des partenaires sociaux à l'Office national des pensions, une réunion qui planche donc sur les critères de pénibilité du travail. Oui, ça doit être pénible, ça, comme journée. Il faut quand même, à un moment, se mettre à la place de ces gens qui participent à ces réunions. Tu te lèves le matin tôt, car tu sais qu'à 10h, tu dois te rendre à une réunion de concertation des partenaires sociaux au Comité national des pensions. Déjà, tu te dis, mais j'ai une vie de merde. Tu vas te laver les dents en écoutant Vivacité. Et là, tu ne comprends plus rien au programme. Les JT sont en boucle. On entend Sarah Depardieu s'esclaffer pendant une demi-heure sur Facebook parce que rien ne fonctionne et que le 8-9 se fera à la cave. Tu ne comprends rien. Parce qu'hier, on a eu une panne de studio si vous n'étiez pas là. Christophe Grandjean annonce un reportage sur la mort de 6000 migrants au large de la Méditerranée et on lance une pub pour les carrelages Giovanni. Tu n'es pas bien réveillé. Il est temps d'aller récupérer la première. C'est plus sérieux. Tu réentends Sarah Depardieu. Salut, plein de bisous les amis. Tu éteins. Peut-être cauchemar de tu encore, Sarah sur la première. Bon, là tu enfiles un costume 3 pièces gris, du slip à la cravate, obligé dans ce genre de réunion de pingouins. Donc je cite Jean-Marc Tamellini pour les pingouins. Bien obligé, si tu te pointes à ce genre de pince-fesses en bermuda avec des tongs et un t-shirt, parfois je me sens con, puis je te regarde et ça va mieux. Va défendre avec sérieux l'objectivation mesurable des critères de pénibilité au prorata des modalités interprofessionnelles. J'ai répété. Tu prends ta voiture pour traverser Bruxelles. Déjà au niveau de la pénibilité, inutile de vous dire qu'il est plus simple de traverser New Delhi en pousse-pousse. Surtout que vous avez rallumé votre radio, que rien n'est réglé sur la RTBF, que ces tunnels sont toujours fermés et que l'humoriste pas drôle qui disserte à la radio sur la vie d'un gars qui a vraiment une vie de merde n'a aucun talent. Une platine, quel manque d'inspiration. Tu sors de ta bagnole et tu te chopes une différence de température de 28 degrés plus chaude alors que tu as passé tout le mois de juillet à la panne sous un déluge de grelons et là, avant de rentrer dans le bâtiment le plus sexy qu'il t'ait jamais été donné d'admirer, une bâtisse encore plus grise, flanquée d'un jovial panonceau fédéral Pensionsdienst, tu vois arriver vers toi un mort-vivant, tout droit sorti des épisodes Walking Dead, et il vient te serrer la main. Toi, tu es poli, tu réponds « Bonjour, monsieur Baclen. Vous êtes en forme ?» Vous êtes en forme avant de réaliser l'absurdité de la question posée à un type qui est pensionné depuis 1948. Tu prends l'ascenseur avec lui, le trajet est long. Tu le dévisages d'un œil discret et tu te rends compte que le type, il ne veut pas te faire travailler jusqu'à 67 ans, mais encore après ton propre décès. Tu nages dans la sueur, tu écarquilles les yeux parce qu'à côté de toi, c'est la mort qui t'accompagne au sixième étage. Tu crois même voir une faux se refléter dans la vitre. Alors tu t'assieds, là où trônent trois bouteilles d'eau et cinq spéculoos sous vide. Et là, on t'assène des statistiques sur les contraintes cadencées en milieu hyperbare. Alors qu'au même moment, tu sais que dans d'autres bâtiments étatiques, autour d'une table, d'autres fonctionnaires jouent au Kikadi sur l'argent du contribuable, vraiment. Mais qui, enfin, qui? Vraiment. Et là, ma vie n'a plus aucun sens. Tout le monde pérore, on discute de la pénibilité des métiers de l'enseignement. Et c'est vrai qu'être titulaire de 5e latin grec au collège communal d'Herbeumont, ça doit être quand même moins pénible que titulaire de 3e soudure carrosserie aux arrêts métiers à Bruxelles-Ville. On n'a pas le même boulot, mais on a la même pension. Alors à un moment, tu es quand même en droit de te dire qu'au moins toi, tu n'es pas comme le pape qui parle des préservatifs. Toi, tu sais de quoi tu parles, parce qu'un métier lourd et pénible, tu en fais un. Voilà. Pénibilité, mais vous voulez votre pension à quel âge? Mais écoutez, à 35 ans. Ok, avant la fin de la semaine dans ce cas, vous voulez la pension à quel âge pour vous, Sarah? À mon avis, on ne l'aura plus. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Mais vous avez raison. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Dominique, la météo, ça dit quoi? Va faire nuageux demain, en tout cas, une partie de la journée. Ceci dit, on notera encore quelques timides éclaircies sur le sud du pays. 20 à 24 degrés pour les températures. En télé, sur la une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï, l'extravagante, parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la une. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h. Bientôt la rentrée des classes et ses nouveautés comme le cours de citoyenneté par exemple. Ça n'est pas pour autant que les cours de religion et de morale sont supprimés. Un professeur de religion islamique tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. Il estime que le programme de son cours est obsolète, vous l'entendrez dans ce journal. Un autre changement demain pour l'aide juridique, la gratuité s'est terminée. Les explications dans un instant. En sport, les Diables sont à J-1 de leur premier match avec leur nouveau coach. Dans le journal des sports, Christian Benteke nous parlera de son travail avec Thierry Henry. Le journal sur Vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Plus que quelques heures avant la rentrée des classes pour les plus jeunes. En maternelle et en primaire, le grand jour c'est demain. C'est bientôt la rentrée aussi pour les plus grands en secondaire. Et certains élèves de première secondaire n'ont toujours pas d'école. Selon les derniers chiffres communiqués par la CIRI, la commission chargée d'attribuer les places, ils sont 259 au total. La plupart d'entre eux habitent à Bruxelles. Ils n'ont pas reçu de place dans les écoles de leur choix. Et s'ils sont toujours sans établissement, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu accepter une autre école jusqu'à présent. Selon la CIRI, il reste encore à Bruxelles au moins 1500 places en première secondaire. Cette année scolaire, on va sûrement beaucoup parler du cours de citoyenneté. Il est mis en place cette année, mais ça ne veut pas dire que les cours de morale et de religion ont disparu, notamment celui de religion islamique. Ils existent toujours bel et bien, et un jeune professeur de religion islamique raconte dans un livre son quotidien face aux élèves adolescents. Et alors, question foisonnante, Hicham Abdelgawad estime que le programme établi par l'exécutif des musulmans de Belgique est obsolète et qu'il ne répond pas aux exigences de notre époque. C'est un programme qui ne répond pas à la qualité des questions qui sont posées par les élèves. Donc ce programme, il a été fait, je crois, il y a 10 ou 15 ans. On n'a pas eu depuis de nouveaux contenus thématiques ou de nouveaux supports pédagogiques qui nous permettent vraiment de construire un cours qui, pour moi, répond aux questions des jeunes et aux problématiques actuelles. Dans le programme qu'on nous a donné, on va trouver, par exemple, comme thème le bon voisinage, la bonne parole, comment se comporter sur les lieux publics. Alors quand je propose ces thèmes à mes élèves, ils me disent gentiment, monsieur, vous êtes gentil, mais nos parents nous ont déjà expliqué tout ça. Comment se comporter avec les voisins et tout ça, ça c'est, pour moi, c'est pas la place d'un cours de religion islamique d'expliquer ces choses-là. Et il y a une urgence de produire de meilleurs outils pédagogiques pour les professeurs en fonction. Une interview de Françoise Berlaimont. Fini le shopping le dimanche, rue Neuve à Bruxelles, après le centre commercial City 2. Les commerçants renoncent eux aussi à ouvrir le dernier jour de la semaine. Les chiffres d'affaires réalisés sont très insuffisants selon eux. Parmi les changements de la rentrée, il y a le système d'aide juridique pour les démunis, qu'on appelle aussi le Prodéo. Dès demain, fini la gratuité. Le nouveau système prévoit une participation financière obligatoire du justiciable, une forme de ticket modérateur, comme dans le secteur des soins de santé. L'objectif de la réforme, Patrick Michel, c'est avant tout d'éviter la surconsommation. L'idée de départ, c'est que la gratuité conduit à multiplier les procédures, ce qui encombre les tribunaux et vide les caisses de l'État. C'est un raisonnement suivi par le ministre de la Justice, dont le mot d'ordre est désormais de responsabiliser tous les acteurs de la filière. Conséquence, hormis quelques exceptions, eh bien c'est fini l'aide juridique gratuite. La première consultation coûtera 20 euros au justiciable, et si l'avocat décide d'agir en justice, eh bien il devra demander 30 euros supplémentaires à son client, un montant qu'il devra réclamer à nouveau s'il décide par exemple de faire appel devant une autre juridiction. Mais l'autre changement important, c'est que certaines catégories de personnes, comme ceux qui émargent au CPS, qui louent un logement social ou qui ont un enfant handicapé, eh bien ceux-là n'ont désormais plus accès non plus automatiquement à l'aide juridique. Jean-Marc Picard est avocat spécialiste de l'aide juridique auprès des barreaux. Il faudra que les systèmes d'aide juridique et les avocats aussi se préoccupent non plus des revenus mais des moyens d'existence des personnes qui demandent aide juridique. Et donc, on devra examiner si elles ont un patrimoine, si elles ont une maison, pas celle qu'elles habitent, mais si elles ont une deuxième maison qu'elles pourraient donner en location, si elles ont des sous sur un compte en banque, etc. La réforme prévoit aussi un renforcement des contrôles et des sanctions plus sévères pour les avocats qui commettraient des abus. Une centaine de vols ont été annulés aujourd'hui à l'aéroport de Francfort en Allemagne après une alerte de sécurité. Une personne suspecte était passée dans une zone sécurisée sans avoir été soumise au contrôle de routine. La police a appréhendé une femme suspecte. Elle a été interrogée. Un avion qui est bien arrivé par contre, c'est le tout premier à avoir fait la liaison entre les États-Unis et Cuba depuis plus de 50 ans. Il a démarré dans l'après-midi heure belge depuis la Floride. Ce vol ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. Ça n'est pas vraiment la saison, mais mangez-vous des truffes à Noël. Parce que attention, celle du Périgord en France pourrait ne pas arriver jusque dans votre assiette. La température a baissé, mais il continue à faire très chaud dans cette région sans une goutte de pluie ou très peu. Les chênes truffiers souffrent, certains sont morts, brûlés par le soleil. Avec les restrictions d'eau, les agriculteurs ne peuvent pas arroser toutes leurs plantations. L'eau manque cruellement et les truffes en ont besoin pour grossir. Certains arbres ne produiront même pas de truffes et celles qui seront ramassées seront toutes petites. À Sorge, Pierre Chaminade est désespéré. Caroline Pommet s'est allée à sa rencontre et ses champs de truffiers sont très très secs. Sous les pieds des chênes truffiers, l'herbe est complètement jaune et la terre, c'est de la poussière. Là, on a un arbre, un très bel arbre producteur, en gros, que je n'ai pas arrosé, je peux pas les arroser tous. Lui, il est à 12,6. Bon, vous avez vu, j'ai gratté, j'ai mis la sonde un peu plus bas. On est à 12,6 d'humidité. Le facteur limitant pour la truffe, c'est une persistance de quelques jours à 15% d'humidité. Donc cet arbre n'aura pas de truffe. Pierre Chaminade prend le taux d'humidité des sols tous les 10 jours depuis le début de l'été. Et pour certains arbres, il a abandonné. Voilà, un arbre qui est magnifique et qui est mort. Et j'ai même pas cherché à le sauver parce que c'est 300 litres d'eau 4 fois par semaine, donc ça sert à rien. En tout, c'est 90% de la récolte qu'il va perdre. Il a quand même arrosé à la main certains arbres, une cinquantaine sur les 2500. J'ai choisi les meilleurs. C'est des arbres que je connais très très bien, comme tous mes arbres d'ailleurs. La nature du sol me permet de les arroser avec cette technique. C'est-à-dire une technique où je mets un volume d'eau conséquent d'une seule fois. Voilà, d'habitude, il arrose en pluie fine ses arbres. Quant aux autres, pas d'eau, il passe ses journées à les tailler. Je vais les tendre comme un mouton pour qu'ils consomment plus d'eau, mais bon, j'en ai tellement à faire. Et il faisait tellement chaud que je ne pouvais pas bosser plus de 4 heures par jour parce que c'est une épreuve physique. Non, mais je veux dire, mentalement, là, il faut vraiment être gaillard de chez gaillard. Reste donc à attendre l'eau. Pierre a calculé, il faudrait 45 mm de pluie pour que les truffes reprennent bien vie. Et c'est pas encore ça, il n'est tombé que 3 mm en 2 mois. Retour chez nous, drôle de réveil pour certains habitants de Chapois dans l'entité de Ciney ce matin. leurs horloges avaient 22 minutes d'avance sur la bonne heure. Alors les minutes passent-elles plus vite à Chapois qu'ailleurs? Pas du tout. L'explication vient des travaux en cours dans la rue. C'est un groupe électrogène qui temporairement produit de l'électricité avec une fréquence légèrement au-dessus des 50 Hz. Résultat, les appareils qui ont une horloge interne sont entre guillemets perturbés, mais sans être endommagés, rassure Aurès, le fournisseur d'électricité. C'est une information que vous pouvez retrouver sur le site internet de ma télé. Merci beaucoup Justine pour ce journal. Est-ce que vous avez déjà vu des elfes? Rien à voir avec vos infos, mais en Islande, ils ont fait des travaux, on va en parler tout à l'heure, à cause d'elfes. Ça vous est déjà arrivé dans le projet? J'ai été en Islande cet été et j'en ai pas vraiment vu. Ah, mais est-ce que vous avez bu assez pour en voir, C'est cher l'alcool là-bas, vous savez. D'accord, ça donne la réponse. Merci Justine. Est-ce que vous, vous en avez déjà vu? 3063 par SMS, on en reparle dans quelques minutes. Le journal des sports arrive, avant ça on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info avec David Godefroy. Y a-t-il des soucis ce soir? Eh bien, cet accident sur le 42 Namur-Liège, hauteur d'Andenne, des fils dans lesquels vous perdez une quarantaine de minutes en direction de Liège. Ça coince également sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, à hauteur de Cherat, des fils principalement vers Bruxelles, 10 minutes perdues à cet endroit. Un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles, circulation intérieure, à hauteur de Halle. La bande du milieu est neutralisée vers Grand Bigard, des fils sur ce ring de Bruxelles, 40 minutes perdues en circulation intérieure, Zaventem, Carrefour-Léonard. Non, je rectifie, 20 minutes perdues à cet endroit. 20 minutes perdues aussi en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, 15 minutes maximum sur les autres tronçons. Et puis des ralentissements également sur le 411 venant de Namur. Comptez une vingtaine de minutes en plus à partir d'Overace en direction donc de la capitale. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. On retrouve Jérôme Elgars, bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril, bonsoir J-1 à tous. J-1 avant le premier match des Diables sous l'ère Roberto Martinez. Et les joueurs et le staff poursuivent l'apprivoisement. Coup de focus sur les attaquants aujourd'hui. Lukaku, Batshuayi, Benteke ou encore Origi. Nos avants profitent des bons conseils de Thierry Henry. Manu Jousse a demandé à Christian Benteke ce qu'il pensait de ce travail avec un entraîneur spécifique aux attaquants. Je pense que même il y a aussi maintenant dans d'autres sélections nationales où il y a les anciens attaquants qui se mettent aussi en place pour pouvoir aider les jeunes joueurs qui arrivent. Donc je pense que c'est un plus pour cette équipe nationale. C'est un plus parce que vous pouvez avoir des exercices spécifiques comme les gardiens peuvent en avoir de leur côté? Voilà, je pense que c'est très bien pour nous et on va essayer de profiter de son expérience et de pouvoir profiter au maximum. Qu'est-ce qu'il doit surtout apprendre aux attaquants belges? La finition, peut-être? Je ne pense pas qu'il n'y a pas que la finition, mais je pense les décisions. Prendre les bonnes décisions, savoir les petits détails, quoi, placer son corps, la vitesse d'exécution, tout ce genre de choses. Il n'y a pas que la finition. Et Thierry Henry ne se contente pas de petits conseils au diable. Sportfoot Magazine nous apprend que le Français a également décidé de reverser intégralement le salaire qu'il touche chez les Diables, soit plus ou moins 50 000 euros par an, reversé donc à des œuvres caritatives belges. 50 000 euros, un montant qui reste assez modeste comparé aux 5 millions d'euros annuels qu'Henry touche en tant que consultant pour la chaîne anglaise Sky Sport. Plus que quelques heures avant la fermeture du grand supermarché du football. Pour les clubs belges, le mercato se termine ce soir à minuit, les téléphones chauffent et on s'active pour les éventuelles bonnes affaires de dernière minute. Cet après-midi, Genk a officialisé la venue du défenseur tchèque Jakub Brabec. Intensité Anderlecht, Brabec a préféré choisir Genk. Dans l'autre sens, le club limbourgeois se sépare provisoirement du gardien Laszlo Köteles. Il part en prêt à Westland Beveren. À Charleroi, arrivé d'un ancien de la maison, le milieu de terrain Gaëtan Hendricks quitte Saint-Trond pour revenir au Pays Noir. Moucron a lui officialisé les arrivées en prêt de Trezeguet et Islam Ferreuz. Trezeguet est loué par Anderlecht et le jeune attaquant Ferreuz arrive de Chelsea. À l'étranger, on note le départ de Joe Hart, poussé par Pep Guardiola. Hart est prêté par Manchester City au Torino, en Italie donc. Eliakim Mangala quitte aussi le club anglais pour Valence. L'ex-standardmen Paul-José Mpoku quitte le Kievo Vérone pour le Panathinaikos. Mpoku va donc affronter le Standard en Europa League. Et puis, toujours rien d'officiel du côté d'Axel Witt. Witzel, Michel, pressenti à la Juventus. Rendez-vous sur le site sport de la RTBF pour vous tenir informé. On passe au basket. Notre équipe nationale vient de débuter sa campagne qualificative pour l'Euro 2017. Les Lions vont jouer 6 matchs en un peu plus de 15 jours dans un groupe qui comprend l'Islande, la Suisse et Chypre. Pour se qualifier, il faudra terminer premier du groupe ou parmi les meilleurs deuxièmes. Le tirage est assez favorable, mais nos basketteurs belges doivent composer avec une équipe qui a bien changé. Jacques Stas, manager sportif des Lions. Il y a un peu plus de pression que d'habitude, vu qu'on est sans ce 5 majeur qui a débuté l'Euro, le dernier Euro en septembre dernier. Oui, sans Van Rossum, Hervel, Lojewski, mais en plus, dans la préparation, on a perdu Pierre-Antoine Gillet et Quentin Seron, qui étaient deux armes quand même, qui avaient déjà cette expérience de l'Euro. Donc ce sont des nouvelles têtes qui arrivent, qui doivent se mettre en place, qui doivent trouver leur marque et qui doivent surtout gérer cette pression de venir jouer pour les Lions. Maintenant, je pense que durant la préparation, on a vu cette équipe belge qui savait affronter des équipes normalement d'un calibre supérieur aux adversaires que l'on va rencontrer, mais on le sait, en basket, tout peut arriver. Il faut juste qu'on ne soit pas trop nerveux pour aborder ce premier match à domicile. Et ce premier match à domicile, eh bien la Belgique accueille Chypre dans la Lotto Arena d'Anvers. On fera un point sur le score à 19h. En tennis, gros match, un gros match attend Steve Darcy dans quelques minutes à l'US Open. Oui, Darcy est notre dernier représentant belge à Flushing Meadows, le seul à avoir franchi le premier tour. Son adversaire est le géant américain John Isner, 21e joueur mondial, 2m08 et un public US à 100% derrière lui. Mission compliquée donc pour Steve, le Belge va monter sur le court dans quelques minutes. Hier, la surprenante défaite de David Goffin a marqué les esprits. 14e mondial, Goffin est tombé face au 122e du classement ATP, l'américain Jared Donaldson, avec même un 6-0 encaissé dans le 4e et dernier set. Après ce match, Goffin s'est dit complètement ailleurs et au bout du rouleau d'un point de vue mental. Comme à Rio, il a perdu face à un joueur local qui avait donc tout le public avec lui. Thierry Luther s'est interrogé le psychologue du sport Jeff Browers pour essayer d'analyser cette faiblesse passagère de David Goffin. Je pense que tout être humain, et surtout un sportif de haut niveau, est influencé par l'environnement dans lequel il doit prester. David Goffin a joué énormément de matchs et l'expérience de Rio, où il a vécu la même chose, s'est ajoutée à ce qui s'est passé. Et la fatigue physique mène un athlète de temps en temps à un manque de résistance psychologique à cette sorte d'événement, je pense. Un des buts de mon travail, c'est d'installer une indépendance totale de l'athlète, de tout ce qu'il ne gère pas lui-même. Quand un athlète est indépendant de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui pourrait avoir une influence négative, c'est à ce moment-là qu'il peut prester au plus haut niveau. En bref, encore, le vainqueur du Tour de France gagne aussi sur la Vuelta. Chris Froome a remporté la 11e étape du Tour d'Espagne après un mano à mano avec Nairo Quintana. Le Britannique, très heureux et expressif sur la ligne, a battu le Colombien au sprint sur les pentes très raides de la Peña Cabarga. Quintana ne perd que 4 secondes. Le Colombien de la Movistar est donc toujours en tête du général. Froome pointe à 54 secondes. Et puis on referme ce journal avec un décès. Décès à 74 ans de la gymnaste tchèque Vera Czeslavská. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Vera Czeslavská était un petit phénomène avant l'arrivée de Nadia Comăneci. La Tchèque avait notamment remporté 7 médailles d'or aux JO de Tokyo de 1964 et de Mexico en 1968. Je vous parlais du match de basket entre les Lions et Chypre. On va faire un point en direct avec Pierre Capard. Oui, Jérôme, après 4 minutes ici, eh bien, les Lions, c'est une petite surprise, sont en difficulté. Le marquoir indique 9 partout. Pourtant, c'est une équipe à la portée des Lions, même si, attention, les Chypriotes peuvent compter, on l'a vu, sur l'apport du redoutable Anthony King, un solide pivot américain naturalisé qui évolue en Turquie ici. Et du côté belge, eh bien, le coach Castells est privé, on l'a dit, de 5 joueurs majeurs. Ça fait beaucoup, évidemment, même si les Lions sont bien commencés sur le plan athlétique, notamment avec Maxime Dezeu et Kevin Toumba au rebond. Ils ont mené de 7 points. Et puis maintenant, le retour des Chypriotes, c'est 12-9 à présent. Et il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Mais donc, un match piège en perspective pour nos Lions qui n'auront pas une partie qui ne vont pas jouer une partie de plaisir ce soir face à ces Chypriotes. Ça, c'est une certitude dans cette Lotto Arena qui est loin d'afficher complet, même s'il y a quand même pas mal d'ambiance dans les gradins. Le score 12-9 après 7 minutes de jeu. Merci Pierre. Pierre Capard qui était donc en direct de ce match de basket entre la Belgique et Chypre. On suivra ça évidemment dans les prochaines éditions à 19h et à 20h. Et bien évidemment, et d'ici là sur le site RTBF Sport. Évidemment. Bien sûr. Merci Jérôme pour ce journal des sports. Il est 18h17. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. de 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ce qui se passe en Islande. Il y a des travaux qui ont été effectués à cause d'elfes. Et c'est pas une blague, c'est une info très sérieuse. Je vais vous le dire maintenant ce qui s'est passé. Il y a une entreprise de travaux publics qui a dû déterrer un rocher, donc en Islande, parce que il fallait calmer la colère des elfes dont l'habitat avait été dérangé. C'est dingue ça quand même. Donc on a fait des travaux là-bas parce que les elfes étaient embêtés. Est-ce que vous avez déjà vu des elfes? C'est la question que je vous pose par SMS au 3063 sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec un spécialiste des elfes. Mais vous me dites si vous en avez déjà vu par SMS donc au 3063. Et nous allons tout de suite prendre la direction du standard. Retrouver qui est avec moi au téléphone. Duilio, bonsoir. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7. Vous êtes de quelle région? Montagnier, région liégeoise. Ah bah Cyril, le bienvenu, ça va bien à Liège? Oui, tout va bien, il y a du soleil, tout va bien. Ah bah alors on est heureux. Vous avez déjà repris le travail vous? Non, j'ai fini là. Ah bah ça c'est... Vous avez fini pour aujourd'hui? Oui, fini pour aujourd'hui. Ah oui, donc vous avez terminé les vacances. Vous faites quoi dans la vie? Je suis conducteur gestionnaire dans la construction. Et est-ce qu'on voit des elfes chez vous? Chez moi, dans la maison, j'en ai deux, oui. C'est vrai? Mais sinon, dans les rues, il n'y en a pas, non. Donc, dans les rues, c'est bon, pas d'elfes. C'est qui les elfes que vous avez à la maison? C'est mes deux petites filles qui crient, qui jouent, qui s'amusent comme des petits lutins partout dans la maison. Mais à partir de demain, c'est fini. Ah bah, c'est fini, en tout cas, de jouer à la maison. Peut-être qu'elles vont jouer à l'école. Comment elles s'appellent, vos deux puces? La plus petite à 8 ans, c'est Manuela. Et la grande de 11 ans, c'est Erika. Eh ben, on fait un bisou à vos deux elfes, vos deux petits lutins qui sont à la maison. Mais donc... En vrai lutin, en vrai elfe, il n'y a personne de votre côté, quoi. Non, rien du tout. Ici, dans la région non plus, il n'y en a pas. Bon, eh ben, écoutez, on continue à faire le tour. On cherche quelqu'un qui en a déjà vu. Je vous souhaite une bonne soirée, Julio. J'espère que vous en trouverez. Bon, on aura un spécialiste des elfes tout à l'heure dans l'émission. Il y a des elficologues. Ça existe vraiment. Ce sera tout à l'heure dans le 5 à 7. Restez bien là. Bonne soirée, Julio. À bientôt. Si vous aussi, vous en avez déjà vu ou pas, bah, 3063 pour me le dire par SMS. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invité aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi les derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur AJD.be. Il y a des soirs... T'as fait tes devoirs? Check. Ta chambre est rangée? Check. Allez, assez ses mails? Oh oui, double check. Qui ne changeront jamais. La vaisselle est faite? Check. Les poubelles sont sorties? Check. Allez, assez ses mails? Oh oui, double check. C'est ses mails, à savourer à tout moment, même le soir après une longue journée. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans quelques minutes, c'est Candice Cotter qui vient, comme tous les soirs, nous parler de toutes les news sur la cuisine. Dans un instant, on s'intéressera aussi au Chinatang. Alors, qu'est-ce que c'est le Chinatang? Que je prononce peut-être très mal. Eh bien, ce n'est pas un plat au restaurant chinois. C'est de la détente avec un massage du ventre. C'est hyper tendance en ce moment et ça peut vous aider pour plein de choses, paraît-il. On s'intéressera à cette technique, donc le Chinatang, avant 19h. On ira du côté de l'Islande tout à l'heure avec ce rocher donc, qui a été déterré pour calmer les elfes. Je vous reparle de cette info avant 19h, mais tout de suite, revenons sur l'ADH qui publie aujourd'hui le classement des voitures. Alors, je pensais que c'était quelqu'un qui avait mal digéré le bruitage derrière. Mais donc, c'est une voiture, hein, on me confirme, c'est une voiture. Le classement des voitures qui se vendent le mieux, en tout cas les voitures familiales, à la veille de la rentrée. Pour en parler, Stéphane Lemeret, vous êtes journaliste automobile au soir et rédacteur en chef du magazine Auto Trends. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7 ce soir pour parler donc de voitures, en voiture familiale. Alors je vais vite parcourir le classement des ventes qui a été publié aujourd'hui. En 10e place, on a la Skoda Superb, la Mercedes CLA en 9e, la Renault Clio Grand Tour en 8e, Mercedes classée en 7e, Volvo V60 6e, l'Opel Astra Sport Tourer en 5e, la VW Passat en 4e, la Peugeot 308 en 3e, l'Audi A4 en 2 et en 1. Vous savez qui est en première place, Stéphane ? Eh bien oui, c'était une petite surprise quand même, parce que effectivement c'est une Skoda qui est le break le plus vendu au cours des 6 premiers mois de l'année en Belgique. Donc c'est une petite surprise parce qu'elle dépasse la fameuse Audi A4 Avant qui truste un peu la première place depuis pas mal d'années. Et donc Skoda a dépassé Audi. C'est amusant d'ailleurs parce que ça correspond aussi à une information économique, puisque on vient d'apprendre que Skoda désormais rapportait plus d'argent au groupe Volkswagen que Audi. Ah ouais, les deux marques font partie du groupe Volkswagen. Ah ouais, bah ça c'est drôle comme info quand même, que la marque finalement premium soit à la traîne derrière la marque premium du groupe VW. C'est étonnant ce classement ou pas? C'est parce que en chiffres ça représente beaucoup de voitures quand même qui sont vendues en Belgique. Ben, disons que c'est pas vraiment étonnant, puisque évidemment une Skoda est moins chère qu'une Audi, mais enfin c'est quand même un petit événement effectivement que la Skoda soit devant l'Audi, d'autant plus que la Skoda il y a deux breaks dans le top 10 chez Skoda, puisqu'il y a la grande superbe, hein, puisque ouais. Là c'est l'Octavia qui est une berline, enfin un break moyen, et il y a également en 10e position la Skoda Superb qui est la toute grande, qui entre aussi dans le top 10 avec plus de 2000 voitures vendues en 6 mois, donc c'est pas mal du tout. C'est la moitié de l'Octavia, mais c'est quand même pas mal. Donc au total, Skoda vend plus de 6000 breaks en 6 mois en Belgique, ce qui est quand même énorme. C'est effectivement un beau chiffre pour eux. Alors ça c'est pour la partie break. Il y a un chiffre qui sont assez étonnants, c'est les ventes des SUV. Ça marche de mieux en mieux. Oui, ça, c'est une tendance vraiment forte et on se demande où ça va s'arrêter, parce qu'effectivement tous les constructeurs font des SUV maintenant, du plus petit, on va dire, enfin du plus low cost, même s'ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais Dacia, jusqu'à désormais Bentley avec le Bentayga. Donc tous les constructeurs s'y sont mis, c'est un succès gigantesque. D'ailleurs, il suffit de voir les chiffres de vente. Hein. En SUV, le SUV le plus vendu en Belgique, c'est le Hyundai Tucson, ouais. Avec un peu plus de 7000 ventes en 6 mois. Si vous comparez au nombre d'Octavia Combi dont on parlait. On est quasiment au double. Voilà, on est quasiment au double. Donc on vend effectivement désormais plus de SUV que de break en Belgique, et c'est une tendance qui continue à monter, et qui est une tendance qui est vraie d'ailleurs aussi pour les... je ne sais plus ce que je disais, on m'a distrait, pardon. Pas de souci, mais tant que vous êtes là Stéphane, peut-être quelques conseils pour la voiture familiale idéale. On sait que demain c'est la rentrée, il y a peut-être beaucoup d'enfants à caser dans la voiture, alors pour demain on peut pas changer de voiture. Mais quand on cherche une voiture familiale pratique, on doit faire attention à quoi ? Oui, effectivement, le volume de chargement, bien sûr, mais aussi l'espace disponible à l'arrière. Bon, il y a aussi quelque chose d'important, c'est le phénomène des familles recomposées. Et donc, de plus en plus de gens cherchent des voitures 7 places ou 6 places ou 7 places. Donc, plus que le nombre de places traditionnelles. Donc, ces véhicules-là ont de plus en plus de succès aussi. Et là, il y a moyen de trouver encore des solutions pas trop chères, je pense, notamment à la SsangYong Rodius. C'est peut-être pas la voiture la plus jolie du marché, mais par contre il y a moyen de trouver des voitures 6-7 places pas trop chères. Donc ça, c'est important. Rappelez le nom pour ceux qui pourraient être intéressés. SsangYong Rodius, c'est une marque coréenne qui est pas très connue, mais qui monte pas mal en Belgique. SsangYong Rodius. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci Stéphane pour toutes ces explications. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne rentrée peut-être à vous aussi alors. Oui, bah oui, comme tout le monde, hein. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Il est 18h25. 5 à 7. Jusqu'à 19h, c'est le 5 à 7 sur Vivacité. Vous le savez, on a gardé la tradition cette année. Tous les soirs, on retrouve Candice Cotter. Et Candice, vous venez avec des news sur la cuisine tous les soirs. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, on va continuer notre tendance glace. Je vais vous parler du Freak Shake. Le Freak Shake? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une tendance qui nous vient d'Australie, qui a littéralement explosé sur la planète food. Alors qu'est-ce que c'est? Le Freak Shake, c'est une contraction de freak, monstre en anglais, ouais. Et de milkshake, Donc c'est un milkshake monstrueux qu'on appelle également des Frankenshakes. Donc c'est comme le Frankenstein, c'est comme le personnage. C'est un godet slash bocal rempli d'un milkshake et sur lequel sont ajoutés un max de toppings. Donc vous avez du biscuit, de la gaufre, du brownie, du bretzel, du marshmallow. On est dans du light. Hein. On est dans du super light. De la noix, de la chantilly, de la mousse, de la crème, du coulis, etc. Donc vous avez ce milkshake version XXL. Et osons le dire, comme le disait Cyril, 100% fat. Soyons clairs. Mais en même temps, c'est un vrai phénomène de mode. Et c'est Anna Petridis, qui est une ancienne candidate australienne d'une émission culinaire, qui a eu envie de rebondir et qui s'est dit, il faut que je lance un truc culinaire vraiment différent et tout. Puis, elle a créé le Freak Shake. Et maintenant, elle avait un petit salon de thé qui s'appelle Pâtissé, en français. Et elle a servi les Freak Shakes au Pâtissé. Et les foodies, on sent tellement fou. Il y a plus d'une heure de file d'attente à certains moments de la journée pour tenter d'engloutir son Freak Shake en entier. Parce que c'est pas rien, évidemment. Ça doit pas être facile. Faut ouais. un bon estomac. C'est l'affolement sur les réseaux sociaux à celui qui aura le milkshake le plus impressionnant et le plus gigantesque. Vous envoyez sur Instagram, Facebook, Twitter. Tous sont envahis de ces freak shakes. Vous voyez des photos, honnêtement, parfois ça fait envie et parfois vous vous dites, mais non. Sérieux. Ça doit être trop parfois. Sérieux, non. Vous en trouvez maintenant quasiment partout dans le monde. Mais la deuxième destination où ils ont vraiment explosé, c'est Londres, notamment au très très connu Molly Bakes sur Kingsland Road, où vous le trouvez en version beurre de cacahuète, framboise, caramel salé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On est bien d'accord. Ah bah là, on va préparer ça ce soir. Ben oui, et en même temps, heureusement que la saison du bikini est derrière. Ah oui, ah c'est vrai ça. On a tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps pour ça. Ça y est, non, demain 1er septembre, la saison du bikini, c'est bon, elle est out. On est tranquille, on peut y aller. Ça, on est en train nouvelle. D'entrer dans nos collants du mois de décembre. Donc, c'est cool. Ouais, ça maintient, c'est ça. C'est bon. C'est le moment. Ça gaine ouais, bien. Ouais, c'est ça. Merci Candice. De rien du tout. À demain. Bon, après manger, il faut digérer. Pour digérer, il y a une nouvelle tendance, le Ching Night Song. Qu'est-ce que c'est le Ching Night Song? Je vous le dis juste après le journal de 18h30 qui arrive dans quelques secondes. Vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité. Merci d'être là. Avec ces nouvelles chaussures Brentano, votre enfant fera fureur à la récré. Non seulement elles sont super cool, mais elles sont aussi hyper confortables. Et notre scan des pieds en 3D sait exactement quelle est ta pointure et combien de temps tu la porteras. Ainsi, maman aussi est contente. Ce n'est pas tout. Jusqu'au 4 septembre, profitez de 15% de réduction sur toute la collection enfants. Infos et conditions, brentano.be. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi, 350 ans, le week-end anniversaire des 2, 3 et 4 septembre. Accès exceptionnel à de nombreux sites historiques, dont l'hôtel de ville et son beffroi, les puits sous la place Charles II et la forteresse hollandaise. Réservé à la maison du tourisme au 071 86 14 14. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Je suis Steve Hobbs, enseignant en informatique au Cépège Jeudogne. Savez-vous que mes élèves, ceux de l'IPET Nivelles et l'IPES Wavre, travaillent chacun avec du matériel de pointe? L'option informatique ouvre les portes de l'enseignement supérieur ou met en pratique vos compétences au service d'une entreprise. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. La recette d'une tranche de bonne humeur? Plongez un cactus dans le waterzooi. Ajoutez-y une cuillère d'invité. Sartori, pas bien. Des chroniqueurs déjantés, un soupçon de météo, une pincée d'info routière pour faire passer le goût de bouchon et bien sûr, une bonne dose d'info essentielle pour bien démarrer la journée. Liberté de la presse doit être absolue. Secouez légèrement et vous obtenez le 8-9 parfait. À déguster sans modération sur La Une et sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. h30, voici les titres de l'actualité sur Vivacité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous et on commence par ce nombre, 259. C'est le nombre d'élèves qui ne savent pas encore dans quelle école ils vont pouvoir aller dans quelques jours en secondaire. Ils n'ont en tout cas pas eu l'école de leur choix et n'ont pas souhaité l'alternative proposée. Il s'agit d'élèves de première secondaire, principalement à Bruxelles, et c'est la conséquence de la procédure d'inscription. La CIRI, la Commission Interréseau des Inscriptions, a fait ses comptes aujourd'hui. Dès demain, l'aide juridique va être réformée. Fini la gratuité, le nouveau système prévoit une participation financière obligatoire du justiciable. En gros, un genre de ticket modérateur, comme dans le secteur des soins de santé. Objectif, éviter les abus. À 19h, Cyril, nous parlerons également du tout nouveau service d'accompagnement des familles en matière de radicalisme. Il se situe à Verviers, où un vaste projet d'attentat avait été démantelé en janvier 2005, et ce centre entre officiellement en fonction demain. Son rôle, être le lieu de rencontre privilégié pour les familles, les enseignants et tout autre acteur de la société en matière de lutte contre le radicalisme. Il y a du sport également, avec du football, nouvel entraînement des Diables Rouges ce mercredi à la veille de Belgique-Espagne. Et c'est surtout aussi la dernière journée du Mercato, le marché des transferts qui se referme à minuit. En tennis, on attend la deuxième rencontre, la rencontre du deuxième tour de l'US Open entre Steve Darcy et l'Américain John Isner. Et puis il y a aussi du basket en ce moment. Belgique face à Chypre, ça se joue à Anvers. C'est le début de la campagne qualificative des Lions pour l'Euro 2017. Merci David, on vous retrouve donc tout à l'heure à 19h sur Vivacité. Avant de partir sur les routes, c'est la météo. Tout de suite, Dominique, quel temps va-t-il faire? Bien demain, on aura des nuages un peu plus nombreux qu'aujourd'hui. Ceci dit, quelques timides éclaircies pourraient encore être possibles sur le sud. Côté température, là, on ne va pas s'inquiéter. Les maxima vont se maintenir entre 20 et 24 degrés. Vendredi, le soleil va revenir de manière plus franche. On attend 22 à 27 degrés. Si vous voulez déjà un petit mot du week-end, oui. Notez que samedi, le ciel va se couvrir progressivement, mais il fera toujours bien doux, à peu près aussi aux alentours de 25 degrés. Dimanche, par contre, nette dégradation, avec même un peu de vent et des périodes de pluie, 20 à 24 degrés quand même. Bon, ben il y a la température pour nous rassurer. Voilà, c'est ça, ça va aller, ça va venir. Merci. On n'aura pas froid, c'est déjà ça. C'est déjà une bonne nouvelle, effectivement. Merci Dominique. On part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info. David Godefroy, quelle est la situation à 18h33? Eh bien, une bonne nouvelle, chaussée est dégagée suite à cet accident sur le 42, Namur-Liège, hauteur d'Andenne. En revanche, toujours des files à partir de Dossau. 30 minutes perdues encore en direction de Liège. Sur le ring de la capitale, ça coince encore. En circulation extérieure, Zaventem, Grand Bigard, 20 minutes perdues, 15 minutes. Minutes perdues en circulation intérieure, Zaventem, Carrefour, Léonard. 10 minutes en plus en circulation intérieure de Grand Bigard à Zaventem. Et quelques minutes à ajouter à votre trajet en circulation extérieure de Haut-Titre au Carrefour, Léonard. Et puis dans Bruxelles, ça coince encore dans le tunnel Reyer-Centre vers le centre-ville, du tunnel Roger au tunnel Arlois vers le midi, dans la liaison du tunnel Stéphanie et dans du tunnel Louise, pardon, au tunnel Léopold II en direction de la Basilique. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Non, c'est pas du tout la voix de Dark Vador. J'ai essayé de faire Dark Vador, mais ça ne marche pas. Je vous offre des entrées pour aller à l'Eurospace Center. Qui va aller découvrir les étoiles, les planètes, les différentes missions spatiales? Vous allez tout savoir sur les fusées qui sont allées sur la Lune, tous les astronautes qui sont allés dans l'espace. Vous allez découvrir aussi le nouvel espace avec Mars et vous allez même pouvoir simuler la marche sur Mars et sur la Lune. Enfin, y a plein de trucs de fou à faire là-bas. Et vous allez gagner 4 entrées pour aller à l'Eurospace Center à Redu. Qui, pour ces 4 entrées, bah vous, si vous jouez maintenant, il suffit d'envoyer le code RAVEL au 6003 pour 75 centimes le message. Et là, vous allez me dire quel est le rapport entre RAVEL et le vélo et l'Eurospace Center. Eh bien, il est tout simple, puisque c'est grâce au beau vélo de RAVEL que pendant tout l'été, parce que c'est encore l'été, même si c'est à la rentrée demain, on découvre les sites touristiques de Wallonie, grâce à 365.be aussi, à Ciné Télé-Revue. Alors, si vous voulez repartir avec vos 4 entrées pour l'Eurospace Center, vous envoyez donc RAVEL, R-A-V-E-L, au 6003. Je vous dis bonne chance. On va se détendre ce soir. Ah oui, ça fait du bien de se détendre. Un petit massage, je sais pas si vous aimez ça de temps en temps, mais un massage qui en plus peut être utile, eh ben c'est le Qing Nai Tang. Vous savez que se masser l'abdomen pour soulager un mal de ventre ou pour se déstresser, c'est quelque chose qui est pas nouveau, on le fait régulièrement. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais entre autres pour les bébés, on fait ça. Est-ce que le Qing Nai Tang peut changer votre vie? Et déjà, est-ce que je le prononce correctement? On va voir ça avec une thérapeute en massage, Nadia Di Pasquale, qui est avec moi. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7. On est bien grâce à vous, on a une musique toute zen. Il n'y a plus qu'à venir masser tous les auditeurs. Record d'auditeurs, record du nombre d'auditeurs cette année pour Vivacité. Il y a plus de 900 000 personnes à aller masser. Vous prenez ? Je prends. Ah ben voilà. Donc on va prendre les rendez-vous avec tout le monde. Les auditeurs vont vous contacter. Nadia, si vous êtes là ce soir, c'est pour parler donc du Qing Nai Tang. Je le prononce correctement ou pas ? Plus ou moins, oui, le Chinetsang. Chinetsang, d'accord. C'est très important, parce que sinon, ça veut probablement dire tout à fait autre chose. Non, pas spécialement, non. Ok. Non, parce que ça pourrait parfois, à une prononciation prête, on a un mot qui devient une insulte et ce serait dommage. Dommage. Qu'est-ce que c'est le Chinetsang ? Le Chinetsang est un massage ancestral chinois. Ouais. Il nous vient des temples de la Chine taoïste, où les moines le pratiquaient pour fortifier leur corps et se maintenir en bonne santé. C'est donc un massage très puissant et qui repose sur des milliers d'années d'expérience. Et donc on appuie sur le ventre, c'est ça ? On masse le ventre, on le masse en douceur, on le masse en profondeur. Attention, parce qu'en profondeur, il y a un moment où... Ah, ça peut arriver. Non, pas spécialement. Non, ok, d'accord. Non, pas spécialement, non. Et il y a des techniques d'acupressure beaucoup dans le Chinetsang. Et ça aide à digérer, par exemple ? Ou quand est-ce qu'on fait ce Chinetsang ? Alors, le Chinetsang, il a tellement de bienfaits, je peux en citer quelques-uns ? Allez-y, bah bien sûr. Alors, c'est le massage détox par excellence. Ouais. Il améliore la digestion. Ça veut dire, quand vous dites que c'est un massage détox, si on se fait un bon gros burger, après on fait un Chinetsang, c'est comme si on n'avait rien mangé. Pas tout à fait. Dommage. Mais reçu régulièrement, il permet de nettoyer en douceur les viscères. Il améliore la digestion, l'élimination. D'accord. Il diminue les douleurs du dos. Ah ouais. Et alors le plus important peut-être, c'est qu'il nous déstresse en profondeur. Ah, ben vous savez que rien que de le dire, je suis détendu là. Et nous qui vivons en mode stress la plupart du temps, c'est très important. En résumé, moi je dirais qu'une séance de Chinetsang, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Ah bah, on n'hésite pas à aller le faire. Je rappelle juste qu'il ne faut pas trop se relâcher non plus, parce que sinon, voilà. Ah, la lourdeur, hein, voilà. Quand on me donne des bruitages, j'aime bien les mettre tout le temps. Nadia, on sait maintenant ce qu'il faut faire pour être zen. Mais vraiment, rien qu'avec cette musique et votre voix, Nadia, j'ai l'impression que tous les auditeurs de Vivacité sont tous zen maintenant. Merci Nadia d'être passée par cette émission. Merci à vous. Ça se fait où le Chinetsang, juste avant que vous partiez ? Ça se fait à Uccle. Ah ben voilà, à Bruxelles, comme ça le message est passé. Nadia, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Comment on dit au revoir en langue de massage ? Namasté. Namasté à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Nadia. Au revoir. Il est l'heure de retrouver Marc Toesca tout de suite. C'est l'histoire de vos hits, comme tous les soirs dans le 5 à 7. Voici Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, Pop Story vous invite à secouer le cortex avec notre rubrique Qui se souvient de... Allô Michel ? Ouais, salut. Salut Michel. Allô Michel, tu as 15 secondes pour reconnaître le titre de la chanson. Let's go, on y va. Pop Story. Revenons en 1988. Cette année-là, un jeune auteur-compositeur du genre Beau sourire, belle gueule grimpe vers les sommets de notre top. Alors, qui se souvient de Frédéric Chateau ? Le malheur des uns. Fouillant un peu dans les classements de l'année 1987, nous avons retrouvé China in Your Hand, un 45 tours pointé numéro 1 du top 40 anglais et qui connaîtra quelques semaines plus tard un succès plus qu'honorable aux États-Unis. Ce groupe porte le nom d'une Vulcaine très influente dans la série Star Trek. Quel est le nom de ce groupe ? Bravo, Monsieur Spock, il fallait répondre Tipo. Marc Toesca. Au milieu milieu des années 70, Tina Charles, alors à peine âgée de 20 ans, est une des reines du disco à l'égal des Gloria Gaynor ou Donna Summer. Grâce à la réédition de ses tubes et contrairement à ses ex-collègues, la toujours jeune Tina se maintient à flot alors que l'italo-disco et bientôt la house confisquent les dance floors. J'imagine que les nostalgiques des chemises col pelle à tarte et des pattes d'eff n'ont pas oublié Dance Little Lady. Mais comment passer à côté de la révélation féminine de ce mois de novembre 87? Gilles Kaplan, ravissante demoiselle de 21 ans, fait son entrée parmi les meilleures ventes le 9 novembre avec « Oh tous les soirs », chanson co-signée avec son mentor et faiseur de quelques tubes incontournables de cette décennie à bulles et paillettes, Jay Alansky. Ce soir, je vais conclure. Kaplan était la révélation féminine de cette année 87 avec « Oh tous les soirs ». La suite du 5 à 7, c'est dans quelques secondes. Bah, bougez pas, faites comme chez vous. Installez-vous, prenez un petit verre, prenez l'apéro si vous voulez. Préparez le cartable des enfants pour la rentrée de demain matin. Et envoyez un SMS aussi. Alors pourquoi? Bah, pour repartir avec des entrées pour l'Eurospace Center. 4 entrées pour vous, il suffit de m'envoyer Ravel au 60-03, c'est 75 centimes le message. Bonne chance à vous. Dans un instant, on part en Islande. Il y a un rocher qui a été déterré là-bas. Et pourquoi? Eh bien, pour calmer des elfes qui étaient dérangés. Leur habitat avait été dérangé. C'est une vraie info, c'est tout à fait sérieux. On en parle avant 19h. Et puis les Barakis seront avec nous. Un nouvel épisode des Barakis dans les Enfants de cœur avant 19h. Commencez l'année scolaire du bon pied chez Shoe Discount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez Shoe Discount ou sur shoedescount.be. Vivacité et la ville de Charleroi présentent le cortège des 350 ans de Charleroi. Le samedi 3 septembre, géants, sidérurgistes, mineurs, verriers retraceront les grandes étapes de l'histoire de Charleroi. De 17 à 19h de la place Charles II au quai de Sambre. Présence exceptionnelle de l'Homme Gang. Groupes musicaux et chorales sur tout le parcours. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Hola, c'est Paula de la Negra Albina. Venez le samedi 3 de septembre nous rejoindre à Perruet pour faire la fête lors des beaux vélos de Ravel. Nous partagerons la scène avec les Charlots. Hasta pronto. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce samedi 3 septembre à Perruet. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barreau. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Est-ce que vous avez déjà vu des elfes dans votre vie? C'est la question que je vous pose depuis tout à l'heure par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je suis assistante sociale et je rencontre souvent des êtres hors normes. » Hors normes, est-ce que ça compte? Bah, peut-être pas dans ce cas-là. Moi, j'en ai déjà vu. Ah bah oui, mais précisez alors à quel endroit. Moi, je passe devant une elfe chaque matin. Parfois, je m'y arrête pour faire le plein. Ça, c'est pas mal. Alors oui, à Spa, la brasserie des elfes, très agréable au bord du lac de Warfa. Et avec quelques bières, je suppose que celles de l'enseigne ou du comptoir doivent se détacher et danser. Ça, c'est bien possible. On rappelle que tout ça, c'est avec modération, bien sûr. Récemment, j'étais sur une aire d'autoroute et alors que je m'approchais de la station service, j'ai vu un elfe. Ah bah oui, c'est pas la même chose. Je suis en Hollande, en camion, et je suis en train. Alors, en camion, en train, c'est bizarre. Je suis en train de suivre un elfe. Voilà, je vais bientôt le rattraper. Ah bah non, désolé de vous avoir dérangé, c'est un éléphant à taches vertes. Bah sinon, ça va sur la route, Jean? Jean qui nous a envoyé un SMS. Soyez prudent sur la route, j'ai l'impression que ça va pas bien. Si on parle d'elfes ce soir, c'est parce qu'il faut que je vous raconte cette histoire hallucinante. En Islande, il y a un rocher qui était là depuis moult années. Et ce rocher, pour des travaux qui avaient lieu à côté, a été recouvert des gravats. Et là, drame, il y a un journaliste qui va filmer simplement bêtement les gravats et là il tombe en fait sur de la boue, d'un coup tout se transforme en boue et il a dû être tiré d'affaire, on a dû l'aider à sortir de là. Et à ce moment-là, les habitants de la région se sont rappelés qu'il fallait déblayer, enfin qu'il y avait un rocher en dessous et que les elfes étaient probablement dérangés. Et donc il y a une société qui a été payée maintenant pour déblayer cet espace et pour déterrer donc le rocher qui avait été enseveli. C'est quand même dingue comme histoire. Il y a de l'argent public qui est utilisé pour ça en Islande. On va en parler tout de suite de ces elfes avec Richard Ely. Vous êtes auteur du grand livre des esprits de la nature et blogueur aussi sur peuplefeerique.com. Bonsoir Richard. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Est-ce que ça vous étonne cette histoire en Islande? Alors pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est quand même. Il y avait une histoire avec une route aussi il y a pas longtemps, une route qui était. Les travaux étaient dérangés par des elfes. Comment ça se fait qu'on parle autant d'elfes en Islande? Parce qu'ici on en a chez nous. Alors des elfes, on va parler de fées, de lutins chez nous du côté Picard et de Newton, de fées également du côté Wallon. Mais faut savoir qu'en Islande, il y a plus de 30% des gens qui croient fermement l'existence des elfes. Donc ça explique un peu pourquoi on prend ça vraiment au sérieux là-bas par rapport à ici. Chez nous, on n'imaginait pas des travaux publics pour des elfes ou pour des lutins. Oui. Et puis c'est bien dommage, parce que là où il y a des elfes, il y a une nature que l'on devrait préserver. Donc en Islande, on est très très écologique. Donc c'est aussi une façon de... Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. C'est effectivement. Alors ici en Islande, il y a des médiums qui ont été appelés pour demander aux elfes de se calmer. Est-ce qu'on peut rentrer en communication avec des elfes? Alors... Pour tous ceux qui sont clairvoyants ou clairaudients, oui, c'est possible. On peut voir, on a beaucoup de témoignages de gens qui ont vu donc des êtres lumineux, des elfes, ou qui ont entendu leurs manifestations. Et ça se présente comment? Ça ressemble à quoi un elfe? Alors, pour les médiums, d'après leurs témoignages, ce que je viens de dire, donc des êtres un peu lumineux, des sortes d'énergie comme ça qui sortent ou qui résident près des rochers. Hein. Ils sont souvent associés à un rocher en Islande. Hein. C'est une terre rocailleuse, une terre volcanique. Donc voilà, si vous partez en Irlande ou dans le sud de l'Angleterre, vous aurez plutôt des fées dans les vieilles aubépines. Là, on ne déracine pas une aubépine dans un champ, ça porte malheur. Est-ce qu'un elfe ou une elfe, on dit un ou une elfe d'ailleurs? On peut dire les deux. Ah ça dépend de son sexe. Ce sont des créatures, voilà. Donc, voilà. Forcément. Ils vivent en communauté. Hein. Il y a même des rochers où il y a le roi et la reine des elfes en Islande. Ah oui, carrément. Est-ce que les elfes ont cette voix-là? Mon précieux est perdu. Mon précieux. Ça, c'est un elfe ou pas? Alors là, ça me fait très peur. C'est dans le Seigneur des Anneaux. Oui, oui, donc voilà, oui. Quand on parle elfe aujourd'hui, on pense directement au Seigneur des Anneaux. Alors, le Seigneur des Anneaux, ces elfes ne viennent pas de ses croyances, des mêmes croyances. Hein, les elfes du Seigneur de Tolkien viennent des Eddas, donc de la mythologie nordique. Donc c'est plus associé, on mettra en parallèle à nos anges. Imaginons qu'on se retrouve là, face à un elfe ou un lutin, chez nous en Wallonie. C'est quoi la bonne réaction? Qu'est-ce qu'on fait, Richard? Alors ça dépend de ce qu'il vous veut. S'il vous veut du bien, c'est bien l'accueillir, lui faire une petite offrande, voilà, une rasade de bière, un verre de lait. S'il vous veut du mal, ben la meilleure chose à faire, c'est de lui lancer un sac de graines. Le temps qu'il compte toutes les graines, vous avez le temps de déguerpir. Ok, donc toujours avoir un sac de graines chez soi. Ils apparaissent où? N'importe où, ou c'est plutôt dans les forêts? Non, ça dépend du type. Les lutons, c'est dans les forêts des Ardennes. Mais vous avez le luton, ici en Picardie, où je suis, où là, c'est un égareur. Donc vous marchez sur un sentier dans une forêt, vous marchez sur le luton, et bien vous ne retrouverez plus jamais votre chemin. Ah ben, on l'espère jamais tomber sur celui-là, quand même. On retrouve toutes ces infos dans le grand livre des esprits de la nature ? Pardon ? On retrouve toutes ces infos dans le grand livre des esprits de la nature ? Oui. En fait, le grand livre des esprits de la nature, c'est une collecte que j'ai fait pendant 3 ans. Et j'ai regroupé plus de 1500 esprits, comme ça, d'un peu près de tous les folklores du monde entier. Donc voilà, c'est un grand beau livre sur tous ces esprits de la nature, ces elfes, ces lutins, ces fées. Eh ben merci beaucoup Richard Ely d'être passé ce soir dans le 5 à 7, de nous avoir éclairé sur cette histoire, cette vraie histoire en Islande. Et on retrouve donc le grand livre des esprits de la nature, et on vous retrouve aussi sur peupleféerique.com. Très bonne soirée Richard, à bientôt. Voilà, bonne soirée, merci. Au revoir. Il est l'heure de retrouver des êtres bizarres aussi, hein. C'est pas des elfes, c'est les barakis. Voici le best-of des enfants de cœur. Les enfants de cœur. Voici le feuilleton Les Barakis, et dans les rôles principaux, James Dino et Kevin Josiane, la maman Baraki, Dominique Watrin et Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane, et Cody et Kevin Bryan, le fils Baraki. Aujourd'hui, avec Jean-Luc Fonck, Les Barakis vont au cinéma. Nom de Josh Kevin Bryan, qu'est-ce que tu nous emmènes encore voir comme film de Baraki, là? C'est un film français qui s'appelle Demain. La prof, elle a dit qu'on devait le voir. Ça donne des conseils pour que la planète, elle aille mieux au niveau de son écologie. Des conseils pour que la planète, elle aille mieux? Ben, c'est simple, t'arrêtes de nourrir ta mère avec des choux de Bruxelles et ça va stopper le trou dans la couche d'ozone, hein? Ouais, ben en tout cas, ton père, quand il est au lit, c'est pas lui qui augmente le réchauffement climatique, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Ben arrêtez, hein? La prof, elle a dit que le film, c'était un super docu. Ah, c'est un film docu? Alors ça me dit bien d'aller voir. Oui, ben c'est notre tour à la caisse. Comment qu'il s'appelle encore ton film? Je te l'ai déjà dit, son titre c'est Demain. Bonjour, vous voulez des places pour quel film? Ouais, salut grand. Je suis l'ouvreuse, hein? Ouais. Ouais grand, on veut 3 places pour demain. Pas de problème, étant que vous êtes là, vous ne préférez pas voir un film maintenant? Ben si, on vient te le dire, on veut 3 places pour demain. Pas de problème, je vous mets 3 places pour demain. Pour quelle heure? Ben pour maintenant. Pas de problème, je vous mets 3 places pour demain. À la même heure alors? À la même heure que quand? Ben à la même heure que maintenant. Ben la même heure que maintenant, c'est maintenant, puisque c'est maintenant qu'on veut voir demain. Pas de problème. Vous voulez aller voir le film maintenant ou demain? Ah, parce qu'il y a aussi un film qui s'appelle Maintenant. Mais il est con lui ou quoi? On te dit qu'on veut 3 places pour demain, maintenant. Pas de problème. Je vous donne maintenant des places pour demain. Voilà. Pas de problème. Mais tant que vous êtes là, vous préférez pas voir un film maintenant? Mais on te dit que c'est maintenant qu'on veut voir le film demain. Pas de problème. Mais je ne vois pas comment vous pouvez voir le film maintenant si vous voulez le voir demain. Vous racontez un peu n'importe quoi quand même. Mais non, le film c'est demain et on veut le voir maintenant. Pas de problème, j'ai compris. Je suis pas con. Vous voulez voir maintenant le film demain? Voilà. Pas de problème, revenez demain. Comme ça, vous pourrez le voir maintenant, mais demain. Puisque demain, ça sera maintenant, tu comprends? Oh non, je veux le tuer, ce con. Maintenant ou demain? Le film s'appelle Demain. C'est son titre, et on veut le voir maintenant. Ah, vous voulez voir le film demain? Voilà, enfin, il a compris. Bon, à demain, alors. Mais non! On te dit que c'est maintenant qu'on veut voir le film demain! Dites, la file s'allonge. On dirait un peu Mathilde, hein, tu trouves pas? Je me rends compte en faisant l'ouvreuse qu'on dirait Mathilde. Dites, la file s'allonge derrière vous. Alors moi, je vous conseille de choisir un film maintenant et vous reviendrez demain pour voir le film que vous vouliez voir maintenant, demain. Bon, écartez-vous, je vais le défoncer. Non, ça va. Arrêtez. Vous voulez voir le documentaire français qui s'appelle Demain et qui parle d'écologie? J'avais bien compris, vous savez. Je faisais une petite blague, c'est marrant, non? Super drôle. Bon, on peut avoir notre place maintenant? Mais non, le film ne passe pas ce soir. Oh! Purée! Et il passe quand alors? Demain. Ok, bon, tu sais quoi? Je vais te montrer un autre film, moi. Tiens! Aïe! Mais ça va pas, non? Pourquoi vous m'avez giflé? Parce que mon film à moi, il s'appelle Une main dans ta tronche. Eh ben, j'aurais préféré le voir demain. En tout cas, j'ai rarement vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal. On est bas. On est rats. On est qui? Baraki. Alors, il est l'heure dans ce 5 à 7 de savoir qui va repartir avec ses entrées pour aller à l'Eurospace Center. On part à Péruet chez Laurent. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Cyril. Bienvenue, Laurent. Est-ce que vous savez imiter Dark Vador? Maintenant ou demain? Ah ben maintenant, c'est mieux. Je suis ton père. Ah ben j'y crois Laurent. Laurent, est-ce que vous êtes fan de l'espace, des planètes, des étoiles, du soleil, tout ça? Ah, je suis toujours un peu la tête dans la lune donc... Ah ben c'est parfait alors. Laurent, vous gagnez 4 entrées pour aller à l'Eurospace Center à Redu. C'est pour vous, vous allez emmener qui avec vous? Mes enfants. Ouais. Ma femme. Ouais. Et puis j'irai aussi. Ah ben ça c'est bien, ne vous laissez pas sur le bord de la route, effectivement. Vous allez encore, entre autres, pouvoir tester le Moon Experience. Vous allez marcher comme si vous étiez sur la Lune. Ça c'est dingue. Génial. Vous avez déjà fait super. Ça? Jamais. Vous êtes encore. Parfois dans la Lune, mais jamais sur la Lune. Et là, voilà. Grâce à Vivacité, ouais. Vous allez pouvoir le faire. Merci Vivacité. Bah de rien, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt Laurent. Également. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. C'est la fin de ce 5 à 7. Mais heureusement, la soirée ne se termine pas. On pourrait remettre la musique parce qu'il arrive tel le patron de je ne dirai pas je suis ton père parce que les gens vont penser qu'on n'a pas le même âge. On ne me dira plus t'as la même voix que Cyril. Comment ça va, Philippe Jonniot? Ça va bien. On arrive avec le tip top. 40 titres classés, cadeaux, rétro et tout ça et tout ça. Et Puggy, juste après les infos. À demain, Cyril. À demain, bonne soirée. Puggy avec Soul, 9e dans le tip top. Gain de 6 places, juste après 19h. Et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Hé maman, on joue au supermarché. D'accord mon cœur. Alors, je voudrais 1 kilo de... Tu dois d'abord trouver une place de parking. Ah ok, voilà. Et ton caddie? Ah oui, bon alors, je voudrais... Hé là madame, dans la file, comme tout le monde. Mais enfin je... Renfort caisse. Oubliez le stress du supermarché. Faites vos courses sur wink.be, le supermarché 100% en ligne qui livre aussi à domicile. Profitez vite de moins 10% sur tous vos achats pendant un mois, ouais. De la première livraison gratuite et d'un kit rentrée des classes en cadeau. Ouais. Wink.be. C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. L'auto présente le mois de Wout, le dénouement. La dernière semaine avant septembre. Le dernier tirage avec 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore S-Oliver. Info sur Poincaré.eu. Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Il est 19h. David Riffon, bonsoir à tous. Cela vient de tomber au Brésil. 61 voix pour, 20 contre. Le Sénat vient de se prononcer pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Elle était jugée pour avoir notamment maquillé les comptes publics du pays afin de favoriser sa réélection en 2014. La dirigeante brésilienne attendait de voir le vote du Sénat qui lui est devenu hostile. Ce vote en faveur de sa destitution n'est donc pas une surprise. Son rival, Michel Temer, qui assurait l'intérim depuis plusieurs mois, va terminer son mandat qui se termine en 2018. C'est la rentrée scolaire demain pour les élèves de maternelle et de primaire. À Namur, cette rentrée des classes risque de s'accompagner de quelques embouteillages et coups de klaxon. Un gros chantier est prévu ainsi qu'un nouveau plan de circulation. Cela promet bien de l'embarras pour les automobilistes. Des policiers les conseilleront d'ailleurs pour ceux qui seront un peu